Vous êtes à Cifou pour l'écouter. 89.1. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Justine Renaud, mais pas va nous en dormir, mais pas dans ce sens-là. Avec sa chronique musico-scientifique Justine Pertin et Tania Nozema Vera, mais une seule chronique à la fois dans Tania's Gonna Entertain Ya. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 18 avril 2017, à 9 jours de la fin d'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin, on est en direct des studios Cifou à Trois-Rivières. Ça fait du bien d'entendre ça. Ah oui! En direct des studios, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, Mathieu. Ça va, Tania? Ça va très bien, toi? Ah oui, ça va super bien. Merci d'avoir été là pendant les dernier mois, finalement. Ça fait plaisir. J'ai pas animé depuis le 8 mars, donc t'as été là ouais. J'ai envie de dire du 20 mars. Ouais, approximatif, ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, si je me souviens bien, ouais, ben c'est la semaine de ma fête. Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est ça, 20 mars. Mais ça a bien été, je t'ai écouté, j'ai adoré ça, c'était fantastique. T'as participé aussi à certains moments, faut pas le dire trop fort. Non, pas trop fort, mais c'était non. Pas payé, puis je me suis pas déplacé. Non, c'est ça, exactement, c'était au téléphone. Ouais. Tantôt, notre amie Justine Renaud, qui va être avec nous pour la prochaine chronique, m'a demandé comment ça s'était passé. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont écouté l'émission depuis les dernières semaines et qui, à chaque fois, il y avait une nouvelle chronique, puis Mathieu était au téléphone, il se demandait qu'est-ce qui s'est passé. On l'a pas expliqué mille fois parce qu'on était tanné d'en parler. Oui, c'est ça. Ça arrive. Non, mais on s'est dit qu'à un certain moment, tout le monde le savait, tout le monde a Facebook, tout le monde nous écoute. Il faut en revenir, comme on l'appelle. C'est ça. Mais non, c'était l'histoire de m'être planté sur la glace, sur mon côté droit au complet, côte, poignet et coude. Je me suis fracturé le radius. Et voilà. Voilà. Maintenant, c'est réparé. Tout est remis en bon ordre. Par contre, la douleur, elle continue. Donc, peut-être que si je me plains dans l'émission, ça va être à cause de ça. Ah, d'accord. Si je fais un faux mouvement. T'as pas pris tes antidouleurs? J'en ai. OK. Je les prends au besoin. Mathieu veut finir l'émission gelée, ses antidouleurs. ça va être parfait. J'y ai pensé. On m'a donné de la codéine. Oh, OK. J'aurais aimé ça monter à la morphine. Mais, oui. C'est un autre. C'est une autre étape. Un autre monde. C'est ça, ouais, aussi. Ça dépend comment tu le feels. Un monde d'illusions. Exactement. Mais bref, assez parlé du passé. Maintenant qu'on est de retour, il nous reste encore 2 semaines à l'émission environ. Donc, profitons-en. Un petit peu moins de 2 semaines parce qu'on a eu congé hier. D'ailleurs, si vous avez manqué l'émission d'hier, c'est l'émission de 3 heures sur les meilleurs moments de quand j'étais pas là. Vous pouvez aller retrouver ça sur assemblagerequis.com. Mais parlons à la place du plan d'aujourd'hui. Oui. Donc, aujourd'hui à l'émission, on va avoir évidemment la collègue de Justine Renaud qui sera revient dans quelques minutes. Justine Pertin, elle nous parle de songes, de rêves. Un monde de mirages. Un monde de mirages que tu as vécu pendant 3 semaines sur les médicaments. Ah, je pensais à dire en mangeant des barres de chocolat mirage. Ben, t'aurais pu faire ça aussi. Je sais pas si c'est ça de fait, mais. Plus tard aussi, il y a la chronique qui t'appartient. Juste une chronique au lieu de 3-4 douzaines, comme d'habitude, depuis les dernières semaines. Donc, Tania's Gonna Entertain Ya, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Je vais vous parler du mal. Ouh, le mal. Ben oui. Tu sais, des fois, on dit j'ai l'impression que mon corps me parle. Ah, les mots comme dans les douleurs. Ben oui, exactement. C'est un hommage à moi, ça. Oui, c'est ça. C'est justement pour se remémorer le dernier mois. Souvenir. Hey, ça a-tu été long? Ça a-tu été long? Ben, j'imagine que pour toi, ça a été long. À un certain moment, tu devais commencer à gratter les bonnes mains, je sais pas. Là. Interminable. C'est pas pour rien que j'ai commencé à faire des chroniques à radio. Oh, c'est ça. C'est pas pour rien, là. J'avais rien que ça à faire. Ensuite, en fin d'émission, aujourd'hui, on devrait faire les instructions d'assemblage, comme on le fait depuis quelques semaines, les mardis, on aime bien ça. On va aussi avoir, je crois que le temps va nous le permettre aujourd'hui, on devrait avoir son foutu palmarès parce que le mois d'avril est à moitié terminé et j'ai pas encore eu le temps de faire la liste des fêtes à célébrer au mois d'avril. Il nous en reste quelques-unes, on devrait faire ça d'ici la fin. Mais avant ça, donnons-nous un petit peu le temps de s'installer, de recomprendre la console. Je me demandais si j'étais perdu et rouillé là-dedans. Ouais, ça va bien jusqu'à présent. Peut-être que tu vas devoir me dépanner. OK. On sait pas. Tu me tiendras au courant. C'est ça. Mais pour l'instant, tiens, on va parler d'accident encore un petit peu avec Harpoonist and the Axe Murderer. Mais voici okay. Forever Fool à Assemblage requis sur C'est fou. and the Axe Murder. Et Forever Fool à Assemblage Requis avec Tania Baudin. Oui, et Mathieu Plante. Absolument, de retour. L'équipe est de retour. Tout en à feu, fait. En feu. Exactement. Est-ce qu'on anime toute la journée ensemble encore? Ben, la GA cet après-midi. Ouais, c'est ça. Ben, ça dépend de la GA, en fait. Non, l'émission a lieu même si la GA. Non, je sais ce que je veux dire. C'est. En tout cas, je. Ah, OK. Ah, tu. Ah, oh. C'est ça. OK. On en reparlera tantôt. Hey, oui. rappelle-nous, il faut en parler longtemps tantôt de la GA. Oui. L'Assemblée générale annuelle de C'est fou dans quelques. D'ici la fin de l'émission. Mais pour l'instant, on a Justine Renaud avec nous qui est enfin prête. Bonjour. Ça va? Ah, oh, tout à fait, tout à fait. Good. C'est pas que j'étais pas prête. C'est là que je suis plus prête. T'es plus prête que jamais. Je suis toujours prête, je suis plus prête. Bon, mais voici Justine Pertine. On se croirait dans un rêve. Dans l'espace. Dans l'espace, toujours. Je suis toujours un peu dans la lune. Ouais. Mais le moral est là. Ah, le moral est toujours là. Good. Il n'y a pas le choix qu'on est inconscient de ce qui se passe sur le reste de la planète. C'est ça. C'est l'organisation vrai, de sa tête qui est pas c'est là. Ça. Voilà. Écoute, je suis vraiment heureuse d'être là ce matin. Non seulement je retrouve un collègue, deux collègues de travail, oui. En fait. C'est vrai. Ce qui est arrivé, c'est que pendant le mois dernier, moi, j'étais pas éclopée. j'avais pas un membre dans le plâtre, mais j'étais particulièrement occupée au laboratoire. Donc, tous ceux que j'ai laissé tomber les mardis matin, hey, je m'en excuse. Puis toutes les autres qui savaient pas que j'existe, ben salut. Ouais, c'est ça. Justine est de retour. Justine est de retour. T'as juste laissé Tania toute seule pendant je tout sais, le mois de mars. Ça a pas été correct. Mais c'est vraiment un concours de circonstances. Ouais, elle a coupé des cerveaux. Fait que c'est correct. Ouais, ça ressemblait un peu à ça avec plus de. C'était un petit peu plus humide, plus juteux que juste couper des cerveaux, mais ça ressemblait à ça pas mal. Bien, merci de ne pas poster de photos sur Facebook. Oui, non, on n'a pas le. Ben non, ça se fait pas. T'as pas le droit? Non, on n'a pas le droit. Ça se fait pas. Non. Pour vrai? Ça se fait pas. Ouais, non, on n'a pas le droit de. Non. Tu vas être censuré par Facebook pour. Non, j'ai attiré le nom de la personne à qui appartenait le cerveau. Non, en fait, c'est du QTR. On n'a pas le droit, selon les règlements, là, de. Je pourrais faire une chronique entière sur l'éthique entourant l'utilisation d'animaux de laboratoire, mais non, on peut pas faire ça. Là. Eh ben. Ah. Eh ben. C'est plat. Ouais. Ouais. Fait que même si auparavant j'avais un rat qui s'appelait Rob Ford, je peux pas créer un profil Facebook Rob Ford the Rat. Mais est-ce que c'était Rob Ford comme dans RATB? Rob. Rabbit Ford, parce que mon rat, il avait la rage. Non, c'est pas vrai. Donc, Il avait donné de la coke un petit peu. C'est ça, il m'avait ce bord-là. C'est ça, exactement. Voilà, mais non, ce matin, je suis ici, non pas pour vous parler de ce que j'ai fait pendant le dernier mois, c'est-à-dire être non éclopé, mais bien occupé. c'est plus intéressant à entendre que mes histoires, mais bon. Hein? Non, je sais pas. Sérieux, ça doit être quand même intéressant d'être dans la tête de quelqu'un qui... En tout cas, utilise pas son corps à pleine capacité. Ouais. À un moment donné, tu t'écœures, fait que tu commences à penser à bien des affaires. Mais en tout cas, tout ça, ça peut peut-être alimenter tes rêves. Absolument. À un certain moment donné, tu me diras en tout cas, j'ai dormi si t'as beaucoup. Fait des rêves bizarres pendant tout ce temps-là sur toutes ta codéine, etc. Ouais, ouais. C'est ça. Au début, il y a des journées où je dormais genre 15 heures par jour. 15 heures, mon Dieu. Je fais ça, mais même quand je suis normale, je prends une sieste de 7 heures, ouais. Je dors 8 heures par nuit. Non, c'est pas vrai. Et voilà. Mais on va parler du rêve et pourquoi je peux vous dire, je vais être bien honnête avec vous, je me suis réveillée un matin, j'ai fait un rêve, puis je me suis dit, hey, on va parler de rêve. Bon. Mais c'est parce que c'est bien intéressant. Cette semaine, je suis tombée sur un article qui expliquait un peu d'où proviennent les rêves. Et donc, ça fait un petit bout que je pense de parler de tout ça et donc les planètes se sont alignées en conséquence. Fait que malgré qu'on en a tous fait là, l'expérience là, du rêve là, qui est une succession d'images, d'idées, des sensations, des perceptions, des émotions, des fantasmes. Écoute, ça, je pense que ça rentre dans sensations et perceptions. Oh, voilà. Dans les images et les idées aussi. Zizimages. En tout cas, le rêve là, demeure quand même un sujet des plus mystérieux, mais mystérieux pas à peu près, même pour les scientifiques. Ah. L'humain, là, on sait qu'il est de loin, c'est pas le seul espèce qui rêve. On sait, on a toujours vu le chien de notre belle cousine qui pédale dans le vide un peu, là. Oui, qui zigne. Il a l'air d'être en oui, train de... ben oui. Qui est pas qui zigne. Ben, il a un signe dans les airs. Ouais, non, mais il a l'air d'un petit peu chassé d'écureuil, mais ça. En songe, là. Eh bien, c'est parce que la très grande majorité des mammifères terrestres et oiseaux sont aussi capables de rêver comme l'humain. Oh. Et on nomme l'étude des rêves l'onirologie, à ne pas confondre avec l'étude de la signification des rêves. Là. Fait que souvent, on pense que l'onirologie, c'est vraiment la signification des rêves. Ben, c'est pas ça, c'est vraiment l'étude scientifique des rêves. L'autre, c'est le bullshitage de « bon, on te rêvait à la face, on te rêvait à la face », qui veut absolument... Il y a personne qui peut te prouver ça, là. Donc, c'est sûr qu'il y a pas de preuves, mais c'est quand même très intéressant. La psychologie du rêve est une chose des plus fascinantes, mais c'est malheureusement pas de ça dont il sera question aujourd'hui. Quoi que j'ai longtemps été propriétaire, je dis ça comme si c'était mon livre. C'était en fait le livre de ma mère et ça s'appelait... Elle l'a pas écrit, là? Non. Okay. Le rêve et ses symboles, que ça s'appelait. Et lorsque je rêvais, je m'amusais à aller lire qu'est-ce que ça voulait dire. Puis la seule affaire que je me souviens, en gros, c'est des affaires par rapport aux dents, le dentiste, avoir des dents qui tombent ou des dents qui branlent ou genre des pas de dents dans la bouche. Ça veut dire soit t'es stressé, soit t'as peur d'aller au dentiste. Mais la chose, c'est que les deux, c'était vrai. C'est un peu trop littéral. Si tu rêves aux dents, c'est que t'as pas du dentiste, me semble. Non, mais c'est... Ah oui, bien, ça voulait aussi dire, bon, stressé, mais aussi manque de... Quand tu perds tes dents, là, comme, admettons que t'es vis-à-vis d'un miroir, puis... Moi, c'était tout le temps le même rêve, là. J'étais vis-à-vis un miroir, puis il y avait un évier, puis là, je perdais mes dents dans l'évier. Ça voulait dire... C'est de l'argent, ça? Non, perdre ses dents, apparemment, ça veut dire que c'est un signe d'argent. Ah, sérieux? Ben moi, c'est dans ce livre-là, ça disait que c'était un signe de manque d'énergie. Ah! Que je manquais d'énergie, ça se peut. Peut-être que c'était devant un miroir, je sais pas. Hey, sérieux, je sais pas. Aucune espèce d'idée. Fait que, au niveau neurologique, là, si on retourne plus c'est les deux pieds sur terre, on commence à un peu mieux comprendre comment et pourquoi on rêve depuis peu. Ça fait pas longtemps qu'on est un petit peu plus sur la bonne voie que notre ami Freud, dont la compréhension se limitait à la théorie qui voulait que les rêves soient des phénomènes que l'on souhaitait se voir réaliser dans la vraie vie. Fait que, comme cette nuit, j'ai rêvé que j'apprenais une chorégraphie basée sur ma vie de laboratoire, une chorégraphie dansée. Là, je dansais avec le personnage dans The Office qui est joué par Rashida Jones. Ah oui, OK. Je rêvais à elle, on faisait une chorégraphie ensemble, puis il y avait du pipettage, je transférais des liquides dans des petits tubes, puis j'étais vraiment pas bonne pour danser. Et je peux vous dire que c'est pas partout ce que je souhaite secrètement réaliser dans ma vie. Ta carrière de future danseuse, non? Non, danseuse. Penser la mondanité de ma vie de tous les jours, non, ça m'intéresse pas. Fait que, je sais pas à quel point Freud avait raison ou pas raison, c'est même pas ça la question, mais maintenant, si on peut se pencher plus sur les phénomènes neurologiques, qu'est-ce qui se passe au niveau là, des neurones dans le cerveau, ça a commencé tout ça en 1952, quand un certain Eugène Nazarensky... Eugène. Ils s'appellent tous Eugène, ceux qui ont découvert des grandes affaires, hein? Même les femmes, Eugène. Ben oui, c'est Eugénette. Eugénette. Non, mais Eugénie, ça existe. Oui, oui, c'est vrai. C'est un petit peu plus cute qu'Eugène, on va se dire. Ah ben, j'espère qu'il n'y a pas d'auditeur qui s'appelle Eugène. Je viens de l'insulter. Je t'ai juste dit qu'Eugénie, c'est plus beau qu'Eugène. C'est pas si... Ouais, c'est pas si méchant. Pas si méchant. Il en reste plus grand poste aux personnes âgées à la radio. Fait qu'il faut qu'on les récupère quelque part. Oui, ben oui. J'avais un Eugène dans ma famille, fait que j'ai le droit. Oui, c'est dans ton gène. C'est dans mon gène. Fait que le petit bonhomme Nazarensky, on va l'appeler Monsieur Nazarensky, c'est un étudiant au doctorat. Il a fait une découverte bien importante. OK, on est en 1952, je ne sais pas pourquoi que lui, ça a été le premier à l'observer, mais son observation a redéfini notre compréhension du rêve. Fait que son directeur de recherche est en train d'opérer un patient, là, chirurgie, tout le kit. Puis Nazarensky, lui, je ne sais pas, il s'est dit, il m'a regardé ses yeux, voir. Il s'est rendu compte que les yeux du patient endormi bougeaient rapidement sous ses paupières fermées. Ouais, c'est bien bizarre. Non, on le voit tout le temps. Le moindrement qu'on observe quelqu'un dormir parce qu'on est entré par effraction chez eux, on est couché à la cuillère puis on se touche. Ça, c'est juste elle. Ça, c'est juste moi. On observe assez rapidement qu'il y a des périodes pendant le sommeil où que les yeux bougent super rapidement sous les paupières. Fait que plus tard, lui, il a eu la super de bonne idée d'utiliser un polygraphe pour enregistrer les ondes cérébrales pendant ces périodes où les yeux bougeaient rapidement pour se rendre compte que le patient était activement vraiment en train de rêver. Fait qu'on était à l'époque déjà capable de dire avec un podgraphe quand quelqu'un rêvait, mais c'était le premier à comme faire 2 plus 2 égale 4, ouais. Genre de vraiment dire, OK, les yeux bougent rapidement sous ses paupières pendant qu'il rêve. Le fait fameux rapid eye movement. Oui, exactement. It's the end of the world as we know it. It's the end. Exact. C'est une bonne chanson. C'est un bon groupe. Oui, en général. Ben oui, moi j'aime ça. C'est un bon band. Fait qu'en 1953, un an plus tard, publie le papier dans le très prestigieux journal scientifique Science pour dire, yo, quand tes yeux, ils bougent bien, bien vite en dessous de tes paupières, probablement t'es en train de dormir. Vous avez de fortes chances. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous associons couramment les rêves avec ces périodes de sommeil, là, que, comme tu as dit, qui s'intitule Rapid Eye Movement ou REM, qu'on va appeler pour plus court. C'est plus court. C'est plus court. Mais on appelle ça aussi le sommeil paradoxal en français. Paradoxal. Yes, you know that's on n'est pas réveillé. Pourtant, ce n'est pas seulement pendant le sommeil REM que nous rêvons. Je vais vous l'apprendre tout de suite. On peut aussi rêver pendant le sommeil non paradoxal. Fait que pas obligé que les yeux ils bougent en fou en dessous des paupières. Et il nous est possible de rêver aussi... Éveillé, des fois, non? Éveillé un peu aussi, mais ça, on va appeler ça plus des hallucinations. Fait que ce dont on va parler davantage aujourd'hui, c'est vraiment les rêves pendant qu'on dort. Donc, REM ou non REM. Et il y a une chose qui est certaine, par exemple, pendant le sommeil REM, c'est vraiment là qu'on va rêver le plus souvent, qu'on a les plus fortes chances de rêver pendant qu'on dort. Donc, on sait que pendant le sommeil, on a des phases de sommeil REM intercalées avec des phases de sommeil non REM, mais tout ça, ça va en vague comme ça. Fait qu'environ 60 à 90 minutes, on devrait techniquement faire un rêve. Et ces rêves-là, la durée des rêves change dépendamment de où ce qu'on est pendant la nuit. Donc, le premier rêve qu'on fait pendant la nuit va être un peu plus court que le dernier rêve. Il va être un petit peu moins coloré, un peu moins flyé que le dernier rêve. Fait que plus on avance pendant la nuit, plus nos rêves sont bizarres, apparemment. C'est aussi pendant le REM, le sommeil REM, qu'on est capable de contrôler nos rêves, ceux qui sont capables de lucid dreaming. Ouais. Tu sais, genre, tu rêves, puis tu te dis, ouais, la fille, je vais la déshabiller, ben je la déshabille. Ça, c'est du lucid dreaming. Est-ce que tu peux contrôler ça? Oui, ça t'est jamais arrivé d'être dans un rêve puis de savoir que t'es dans un rêve puis de contrôler. Ben tout. Non, mais c'est justement, j'allais dire que je ne me rappelle jamais de mes rêves depuis mon enfance. Jamais. Je me suis jamais rappelé d'un rêve, je pense. Jamais. J'aimerais ça savoir comment me rappeler d'un rêve et comment le contrôler de façon lucide. Ok. Mathieu aimerait beaucoup lui aussi déshabiller la fille. J'ai rien dit. Je pense qu'on a toutes les mêmes aspirations freudiennes de déshabiller la fille. T'as pas parlé de qui était dans ton lit ce matin? T'as pas... Un bol de céréales. Okay. Ah, il est encore là, il l'attend. C'est ça. Non, ouais. T'es en train de détremper. Dans son petit liquide blanc. Oh, il y a des belle. Enfants à l'écoute. Ouais, normalement, mes bols de céréales sont vides de la veille. Wow. Je les vide avant de m'endormir. Cric-crac-croc. Fait que je pourrais te dire, c'est une très bonne question, si tu voulais te... Excuse-moi, les gars. Ça fait un mois que je suis pas allée à la radio. Que je suis pas allée, ouais. Je vais faire attention à tout ce que je dis, ça va pas bien. Ouais, c'est ça. Je suis genou, il, hein? Des genoux, des rilles. Ouais. Fait que si tu veux te souvenir d'un rêve, les meilleures chances que tu as, c'est de demander à quelqu'un de te réveiller pendant que tes yeux sont en train de bouger bien rapidement sur tes paupières. Mais il pourrait pas te réveiller en plein milieu du rêve? Ben, c'est ça. Ça gâche tout? Non, ça gâche pas tout, au contraire. Parce que ce qui se passe pendant un rêve, la raison pour laquelle on se souvient davantage d'un rêve au moment où on se réveille, c'est que c'est des périodes où on se réveille en plein milieu d'un rêve et il n'y a pas eu de correction du rêve et il n'y a pas eu compression du temps ou dilatation du temps. Fait que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que pour une personne de tous les jours, il y a deux types de rêves qu'on se souvient. Il y a des rêves où on se souvient très, très, très bien ce dont on a rêvé. On vient juste de se réveiller puis on s'est fort probablement réveillé en plein milieu du rêve. Ce qui fait en sorte que tous les mécanismes cérébraux qui embarquent pour éditer le rêve et raccourcir ou rallonger le temps du rêve, donc modifier notre perception du rêve, ne se produisent pas. On est vraiment laissé là avec comme « Ah, OK, j'ai vraiment rêvé que je suis en train d'apprendre une chorégraphie avec Rashida Jones que j'étais en train de pipeter en dansant. » Pipeter. de pipeter en dansant. Puis, ça, c'est un type de rêve. L'autre type de rêve qu'on va se souvenir, c'est quand on se réveille, pas en plein milieu d'un rêve, et on va seulement avoir comme des espèces d'impressions de « me semble que cette nuit, j'ai rêvé à telle ou telle affaire, mais ça veut pas, tu t'es pas réveillé pendant ce temps-là. Mm-hmm. » Fait que c'est largement édité par le cerveau. Fait qu'il y a plein de bouts qui manquent, mm-hmm. et on s'en souvient vraiment peu ou pas du tout, ouais. À ce moment-là. Fait que toi, probablement, t'as des fois des impressions que t'as des petites brides de rêve, des mais fois, que t'es je me pas demande, capable... Est-ce que j'ai vraiment vécu ça ou est-ce que c'était dans un rêve? Ça m'arrive souvent. Oh. Et là, souvent, c'était dans un rêve parce que je me dis, non, ça peut pas avoir eu lieu dans la vraie vie. Ben, c'est ça. Fait que là, comme t'as des espèces de... Des bribes. T'as des espèces de petites recollections de qu'est-ce qui s'est peut-être passé, ouais. Lors d'une nuit. Mais tes meilleures chances, vraiment, de te souvenir d'un rêve, c'est de te faire réveiller en plein milieu de ton rêve. Et oui, ben évidemment, ça met terme à ton rêve. Là. Fait que ça peut être plate si t'étais en plein milieu de quelque chose de fun. Ben, genre, mettons, faudrait que tu me dises comment rêver à Rashida Jones. Comment? Ben, il faut juste que tu binge-watch The Office. Hey, j'ai déjà fait ça en plus. Oh, quand... hey, c'est tellement c'est bon. Maison. Ça n'a aucun bon sens. As-tu vu la UK? La version. Pas encore. Du Royaume-Uni, c'est encore même. Pas encore. Je vais commencer par finir la. Je suis juste rendue à la fin de la saison 2. Là, mais... Des crimes, t'en as pour un bout encore? Ouais, non, je sais, il y a 9 saisons là-dessus. donc, c'est ça. Ça, c'était un aspect du sommeil. Donc, vous voulez vous souvenir de vos rêves, là, demandez à la personne qui partage votre lit si c'est pas un bol de céréales inanimé de vous réveiller en plein milieu de votre sommeil où les yeux sont en train de bouger rapidement. Mais faut pas que cette personne-là soit endormie aussi, sinon non. Ça marche c'est ça. Mal pris. Exactement. Maintenant, il y a un autre aspect que je voulais aborder avec vous et c'est probablement l'aspect le plus important, c'est pourquoi? Pourquoi on dort? Who cares? Non, c'est vraiment important la question du pourquoi on dort sur un point de vue évolutif parce que c'est pas toutes les espèces animales qui rêvent. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir ça? C'est vraiment avec les enregistrements cérébraux qu'on peut deviner, on peut comme deviner que fort probablement telle espèce rêve, telle autre espèce rêve pas. D'autres, il se passe rien sur leur polygraphe. Ben, c'est pas qu'il se passe rien, mais que genre le polygraphe semble être trop ressemblant à du sommeil sans rêve. Ah. OK, fait qu'on se dit, bon, ben, si c'est aussi ressemblant à du sommeil sans rêve, c'est que sûrement. Probablement c'est du sommeil sans rêve. Pas, mais ouais. Effectivement, on peut pas, barrer hors de tout doute la possibilité que, je sais pas moi, un poisson ne rêve pas. Il rêve peut-être juste différemment. Il rêve peut-être différemment. Mais le rêve tel qu'on le connaît, de la manière que le cerveau est activé ou pas activé à certains endroits, c'est vraiment propre aux mammifères terrestres, aux oiseaux. Puis nous autres, on est dans la gamme des oiseaux, c'est évidemment. Ben oui. Mais peut-être que dans le futur, on va se rendre compte que les animaux, en fait, on peut les comprendre dans leur langage et on peut comprendre leur rêve. Peut-être, on sait pas. Peut-être qu'on va savoir parler l'ours. Dans le futur. Ça peut-être. On sait pas. Peut-être. Il nous manque un peu de poids, je pense, pour pouvoir percevoir la profondeur de tout ça, mais écoute, ça se passe. Quoi qu'il y en a qui se rapprochent. Des barbus. En termes de poils. Oh yes. Sexy. Donc, il y a quelques hypothèses qui viennent, en premier lieu, ils viennent définitivement... à l'encontre là, de la vue freudienne du rêve qui est vraiment juste là, un souhait inconscient de se voir réaliser telle ou telle affaire. Mais les hypothèses n'arrivent pas nécessairement à expliquer pourquoi et comment on rêve de manière très claire, mais ça nous apporte quand même des pistes de suggestions de où est-ce que ça vient, cette histoire-là. La première théorie, qui est peut-être une théorie très, très logique, c'est qu'il y a une théorie logique qui est un peu plate, là, à mon avis, c'est la théorie de l'activation continuelle, où ce qu'il y aurait pendant la nuit, activation de zones de cerveau, OK, où siège la mémoire, OK. Donc, le cerveau, il y aurait activation de ces zones-là du cerveau très, très forte pendant le sommeil REM, tandis que la partie du cerveau qui régit les sensations et les mouvements, c'est-à-dire pour pas comme genre décocher une droite à son partenaire de lit pendant qu'on est en train de rêver, tout ça, ça serait vraiment mis sous silence. Fait qu'on aurait la partie du cerveau qui active la motricité, qui est vraiment mis sous silence. Et on a une autre partie du cerveau qui serait responsable de la conscience, donc on est conscient ou subconscient ou inconscient. Et cette partie-là serait juste un petit un petit peu activé. Donc, ça commencerait comme ceci. On aurait une seule activation de la partie qui régit la mémoire. Donc, on a une idée qui part, comme faire une chorégraphie avec Rashida Jones. Des pipettes et des pas de danse que j'ai toujours pas maîtrisé dans mon rêve. On a cette idée-là qui part, qui s'en va dans le bout du cerveau qui est la conscience. Et avec ça, pendant quelques minutes, on est capable de construire un rêve entier jusqu'à ce qu'un autre influx d'informations en provenance de la mémoire arrive et que ça parle, je sais pas moi, du fait que les oiseaux sont en migration puis qu'on veut voler avec les oiseaux, mettons, qu'on se met à voler dans notre rêve. Ben ça expliquerait cette théorie-là de pourquoi nos rêves changent de manière si abrupte des fois. Ouais. On a beaucoup plus de créativité dans nos rêves que dans la vraie vie. Hein. Vraiment, mais probablement parce qu'il n'y a justement pas de continuité entre le premier influx nerveux de genre on a eu telle idée, on s'est rappelé tel aspect, puis 3-4 minutes plus tard, ah, on se rappelle de tel autre aspect que ça injecte une nouvelle variable dans notre rêve, puis on est comme OK, mais ça fait pas de sens. C'est comme de la diarrhée de rêve ou de la diarrhée rêve. Diarrhée. Oh, j'aime ça. Ben, c'est poli comme de monde. La diarrhée. C'est pas ce pire, ouais. C'est mieux que diarrhée de coup. Fait que c'est ça. Ça l'expliquerait pourquoi les rêves, parfois, comportent cette caractéristique-là de les rêves sont continus définitivement, mais sont tellement... Il y a des changements tellement abrupts en plein milieu de nos rêves que t'es comme genre, quoi? Puis là, tu dis, hey, il y avait deux parties à mon rêve, j'ai prévu à telle affaire, puis après ça, je t'ai rendu ailleurs, j'ai ouvert une porte, puis je t'ai rendu chez Titanic, je sais pas quoi. Il y a une pause publicitaire au milieu, puis on a des comptes sur le côté d'écran, comme à Radio-Canada. Il y a des quotas. Fait que ça, c'est une théorie qui pourrait expliquer. Mais tu sais, ça l'explique pas pourquoi c'est nécessaire de rêver. Ça l'explique pas vraiment. Il y a une autre théorie, elle, qui se penche un petit peu plus sur pourquoi c'est nécessaire de rêver. Et cette théorie-là est pas exclusivement mutuelle avec la première. Les deux peuvent coexister. Cette théorie-là de plus récente, mettons, voudrait que lorsqu'on dort, on a besoin de rêver aux choses qui se sont produites pendant la journée ou même plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années pour reconsolider des acquis. Hey, c'est pas la première fois que j'entends cette théorie-là. Exactement. C'est pour un petit peu solidifier des notions qu'on a apprises pendant la journée ou au fil de notre vie. Fait, des fois, oui, on va rêver à des amis de longue date, là, de comme « Hey, cette personne-là, j'ai pas vu en 10 ans, puis j'ai rêvé à elle. » Ou t'as rêvé de quelque chose qui s'est produit comme directement la veille, comme je me suis clenché 10 épisodes de The Office hier, donc j'ai rêvé à Rashida Jones. Elle est vraiment belle. Hein? Fait qu'on dansait ensemble, puis tout, là, c'était super le fun. Wow. On voit que genre mon cerveau a dit hey, ça, cette information-là est pertinente. C'est ça, Rashida Jones. Faut absolument reconsolider cette mémoire-là. Et donc, c'est comme si on solidifiait les liens qui existaient entre deux neurones ou plusieurs neurones pour dire hey, cette mémoire-là, là, on la garde en stock, gang. Okay? Faut pas l'oublier. Fait que c'est un peu ça qui arrive. C'est pour ça qu'on dit aussi que c'est mieux étudier avant d'aller se coucher qu'au réveil le matin. Mais admettons-le que tu as étudié pour un examen, que c'est mieux d'étudier comme la veille, côté temps. Là. Si t'as juste 24 heures, là, étudie, dors, va faire ton examen. Apparemment. Ouais. Apparemment. Là, ça aussi, ça demeure à être prouvé hors de tout doute, là, mais je pense qu'il y a un bon nombre d'études qui dit que... d'étudiants aussi qui le disent. Ouais. Même si tu te rappelles pas de ton rêve, tu vas quand même rêver à ça potentiellement. Exactement. Okay. Maintenant, il y a une dernière théorie que je vais aborder avec vous qui est, je la trouve un peu drôle, puis c'est la première fois que j'entends parler de cette théorie-là, et c'est une théorie qui pourrait expliquer pourquoi, évolutivement, c'est un avantage de rêver. Ah, OK. Je pensais un peu aux chiens et à ma mère, justement, pendant ce temps-là. Tu sais, là, quand tu dors, là, puis que t'es une proie, OK? Puis tu dors. Puis dans ton rêve, tu te mets à pédaler, OK? OK. Et qu'il y a un prédateur pas loin. Le prédateur va voir que t'es en train de bouger. Le prédateur va venir et va te manger, OK? Ouais. Et tu vas mourir. Si tu meurs, t'as pas de... ta progéniture peut pas survivre ou peut pas naître. Fait que ce serait un avantage évolutif de rester immobile pendant qu'on dort. Ouais. Fait que ça l'aurait débuté le cerveau aurait comme fermé toutes les espèces de d'output vers les aires motrices là, pour qu'on ne puisse pas bouger pendant le rêve. Et ce serait ensuite installé la capacité de rêver. Donc, ça serait vraiment juste une extension de cette de l'arrêt de mouvement, de l'immobilité qui a été instaurée grâce à vraiment juste une sélection naturelle. Les animaux qui bougeaient pendant leur sommeil, ils se faisaient manger, fait que il y avait plus de la pérennité de leur espèce était vraiment mise en danger. Donc, et éventuellement, on s'est mis à rêver parce qu'il y a d'autres processus neurologiques qu'on comprend moins bien que qui ont embarqué par la suite. Mais que tout ça. Ça proviendrait de la d'une espèce de un mode de défense d'immobilisation, hein? Un animal qui est immobile pendant qu'il dort, ben ça va vivre plus longtemps. Et mais ça, la théorie n'explique pas grand chose, mais l'hypothèse est quand même intéressante sur le point de vue évolutif parce que c'est effectivement les espèces les plus développées qui vont rêver. Et ouais. Non, pas, c'est pas les reptiles. Les reptiles rêvent pas, apparemment. Ah non? Ouais. Ah. Apparemment, je sais pas. Monsieur reptile, lui. Monsieur reptile. Monsieur patate, lui, ouais. Qui est un légume, je sais-tu. Aucune espèce d'idée. Là-dessus, je suggère, parce que j'en ai parlé longtemps, parce qu'il y en a gros à dire sur les rêves, hein, mais je suggère qu'on aille écouter une petite chanson d'un groupe québécois, Sons, qu'on aime bien. On va écouter « It is Dream ». Pour bien reconsolider les acquis de cette petite chronique sur les rêves. Merci de nous réveiller, mais non, pas, oui. Pas religieusement comme la revue Réveillez-vous. Bienvenue. Thank you. de n'importe où. Tu me demandes où je vais. Je vais très bien. La question idiote, réponse idiote, apprends la leçon. Je fais, je fais de mon mieux, et ce mieux, combien c'est, ce mieux est juste parfait. Tu veux trop savoir tout sur moi, si tu veux tout avoir, ce que je n'ai même pas. Alors va-t'en, va-t'en. Tu ne demandais qu'une épaule pour t'appuyer dans mon lit, dans tes bleus. Moi c'était facile dans ma tête, je pouvais dormir et peut-être rêver mieux. case, don't bother to explain. Don't even show me your face, cause it's a crying shame. Just go back to the rock from under which you came. Take the sorrow you gave and all the stakes you claim. And don't forget the blame. I got my feet on the ground and I don't go to sleep to dream. You got your head in the clouds and you're not at all what you seem. This mind, this body and this voice cannot be stopped by your deviant ways. So don't forget what I told you, don't come around. I got my own hell to raise. I got my feet on the ground and I don't go to sleep to dream. You got your head in the clouds and you're not at all what you seem. This mind, this body and this voice cannot be stifled by your deviant ways. So don't forget what I told you, don't go around. I got my own hill to raise. Yeah. C'était Sleep to Dream de Fiona Apple. Juste avant ça, on avait mon préféré, Daniel Bélanger, avec Rêver mieux. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu dans ta chronique. Effectivement, ça a d'ailleurs parti tout un débat pendant que vous écoutiez la musique et sur fond de musique, on s'est demandé qu'est-ce qui fait en sorte qu'une chanson est commerciale ou pas. C'est vrai. L'intention derrière. L'intention, ouais, ouais. La facilité, la non-créativité. Parce que Daniel Bélanger, Rêver mieux, cette chanson-là, on peut dire ça a eu du succès commercial. Ouais. Mais c'est pas de la musique commerciale. Et voilà, Daniel Bélanger, il écrit. C'est devenu par la suite un exemple de musique commerciale à cause de son succès. Par association avec son succès. Exactement. Mais on s'entend que c'est pas un homme, on va se dire, il écrit pas pour, il écrit pas pour passer à la radio. Exact. C'est ça, c'est l'intention derrière. Mais voilà. Voilà. Fait que vous avez remarqué la tendance entourant le rêve pour ceux qui viennent de se joindre à nous. C'est parce que j'expliquais les fondements scientifiques du rêve, pourquoi, en tout cas, on a essayé d'expliquer pourquoi on rêve et les hypothèses peut-être évolutives qui nous permettraient de croire que le rêve a évolué là, chez les mammifères terrestres et chez les oiseaux. Mais voilà. J'ai entendu chili mammifère comme du chili con carne. Chili con carne. Chili mammifère. Tu mets beaucoup de la viande de mammifère dans ton chili. Oh, miam, hey, tu sais. Hey, oh. Hey, c'est super intéressant. Un gros morceau de chronique, ça, Justine, cette semaine. Je pense que tu as repris ton retard de chronique. Ah oui, ben écoute, je sais, c'était un peu long, mais je pense que ça en a valu la peine. Oui, ben oui, tout à fait. Mm-hmm. Une chronique gagnante. On te retrouve bientôt, un jour, parce que tu sais que dans deux semaines, la session sera terminée. Ouais, mais pas moi. Ah, donc on continue cet été? Ben, j'imagine. Ah, génial. Ah, si on signe le contrat aujourd'hui. Porte? Non, mais, ben non, mais l'année passée, t'étais parti en voyage. Ouais. Ah, mais oui. L'année passée, il n'y a pas eu de chroniqueur pendant l'été, je pense. Du tout. Non. Oui. Marie-Christine Perle. Ah, oui, c'est vrai. Et ces jeunes filles qui sont venues avec nous. C'est ça. Je pense que c'était tout pour l'été passé. Mais on va être très heureux de t'accueillir si tu veux bien. Mais oui, je compte pas repartir en Italie cette année, donc je devrais être là. Mamma mia! Mamma mia! Pesto pasta! Merci, Justine. Pesto pasta! Justine Renaud et sa chronique Justine Pierre. On prend une pause. Au retour, Tania is gonna entertain us. On vient à ça. Sondage requis pour toi aujourd'hui. Un sondage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. C'est fou, 89. Un sondage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, accompagné de Mathieu Plante. Et Nathalie Baudin. Oh que oui. Alors, on a toujours Justine Renaud avec nous pour encore un petit bout, c'est ça? I'm sticking around. Oh que c'est le fun. Justement, tu vas pouvoir rester avec nous pour célébrer un peu, faire le party. Non pas pour mon retour, là, parce que ça, je veux dire... On a fait le party dans l'auto. Une bouteille de tequila entière entre ton chez-vous et l'UQTR. Entre mes cuisses et les tiens. Voyons. Je sais pas. Côté passager, c'est correct. Oui, t'as c'est le droit. Voici son foutu palmarès. C'est la chronique dans laquelle on établit une petite liste sur un sujet plus ou moins précis. Cette fois-ci, c'est la liste des choses à célébrer pendant le mois d'avril. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il y a à célébrer dans le mois d'avril qu'on connaît déjà? Le poisson d'avril. Poisson d'avril. pas mal ça. C'est ça. La fête à ma mère. Hein, ouais. Pas vraiment. Donc, bonne fête à ma mère. commençons par... On va reculer un petit peu au mois d'avril parce que ça fait longtemps que je suis pas là pour faire cette chronique-là, fait qu'on va commencer par le commencement. La journée de ce qu'on appelle le tweed. Tu sais, les personnes qui portent souvent un par-dessus ou une petite casquette avec une palette, là, un genre de tissu bizarre. Là. Donc, c'est la journée de ça, le tweed. Ah! Tweed. OK. Ouais. OK. C'était le 3 avril. Quoi? Non, vous... Comme les débardeurs. Mais mon grand-père, il avait ça comme casquette. J'en ai plein de lui encore comme ça. La texture ressemble un petit peu à du genre de corduroy presque. Le ça tweed. Ressemble à Londres, en général. Oui, exactement. C'est un tissu en laine cardée flexible ressemblant à un tissu filé à la main. Le tweed. Ensuite, le 6 avril, c'est la journée du tartan. Tu sais, en Irlande, en Écosse. En Écosse, les jupes. Ah oui. Les kilts. Ben, en Irlande et en Écosse. Les deux. Ben, le tartan, c'est le motif qu'il y a dessus. Ah, ben, je savais pas. Ouais. La sauce tartan. C'est toutes des belles couleurs. Wow. Pareil. Hey. Wow. Ensuite, le 7 avril, la journée internationale de ce qu'on appelle snail paper. Qu'est-ce que c'est un snail paper? Hein? Ça fait référence à des journaux, newspapers, donc qu'on parle qui est roulé, quelque chose comme ça. Ah. Et le fait que c'était très, très lentement livré par la poste, par les gens à l'époque, versus électroniquement et numériquement. Ben oui. Donc, un peu comme des snail mail, comme d'envoyer une lettre par la poste, comparé à du email, on appelle ça un snail mail, comme un escargot. Ben, snail paper, c'est la même chose, c'est un journal livré à la main. J'adore l'expression. Mais ça, là, ça doit être, honnêtement, là, ça doit être quelque chose en voie d'instinction, hein, les camelots. Absolument, absolument. Malheureusement, ils vont pouvoir livrer le Publisac, j'imagine. Probablement. C'était payant, par exemple. Ah oui? Back in the days, mon frère avait déjà fait ça. Il a payé toutes sa première voiture a été payée grâce à camelot. C'est le fun parce que tu peux te faire suivre par ton chien, je pense aussi, des fois. Il y en a qui font ça. Ben, tu sais, si t'aimes te lever de bonheur. Ouais. Ouais. Non, c'est une commémoration des journaux, voilà. Ensuite, le 10 avril, c'est la journée nationale des frères et sœurs, siblings en anglais. Donc, vous célébrez ceux qui vous rendent fous ou encore gardent votre vie intéressante. Donc, c'était le 10 avril dernier. Ensuite, le 11 avril, la journée nationale des gens qui travaillent dans une bibliothèque. Ah! On rend hommage à ces gens qui font chute, Louis, et à ceux qui sont des grands fans du système décimal de Dewey. Oh oui, the Dewey Decimal System! Dewey! C'était incroyable. Ensuite, le 12 avril, la journée nationale de la réglisse. J'aime ça, la réglisse. C'est spécifiquement fait pour la réglisse noire, par contre. Ah. Oui. Sinon, mangez vos Twizzlers sans problème. Hein? Correct, ça? C'est tous les 364 autres jours de l'année, tu sais. Oui. Le 12 avril, c'est la journée qu'on appelle Walk on Your Wild Side. Ça veut absolument rien dire, mais c'est la journée où on est sauvage. Peut-être au lit. Peut-être qu'on chasse les loups. Mais c'est la journée sauvage, le 12 avril. D'accord. Spécifiquement? Oui. Les 364 autres jours de l'année, on fait le missionnaire. C'est ça, exactement. Ensuite, tiens, là, on arrive à aujourd'hui, le 18 avril, la journée internationale de la radio amateur. Ham radio, qu'on appelle des fois. Oh my God, c'est nous. C'est nous. Non, radio amateur, comme dans les petits radios, là, ça ressemble un petit peu à un walkie-talkie. Ah oui, excusez. Oui, non, je sais, c'est quoi. C'est, je viens de comprendre. Oui, c'est très, très petite échelle, mais en même temps, c'est très, très grande échelle aussi parce que ça va plus. Ça va quand même loin. Là. Ouais. Est-ce que ça comprend. Des fois, il y a des gens qui diffusent de leur leur véhicule ouais, en podcasts, mouvement. Ouais. Ouais. Non, pas des podcasts. Podcasts, c'est diffusion d'émissions par téléchargement sur ou par streaming. Ouais. C'est pas la même chose. Okay. Là, ça passe vraiment par les ondes radio. Là. Ok, oui. Donc, c'est le 18 avril qu'on célèbre ça pour les amateurs de radio amateurs, les pionniers de ce domaine. On célèbre en fait l'anniversaire de l'International Amateur Radio Union qui a été formée à Paris en 1925. Ensuite, ah là, là, ça, on me prend par les sentiments le 23 avril prochain. On va regarder c'est quel jour. On en fait. C'est dimanche prochain, la journée nationale du muffin anglais. Ah, oh, c'est bon, ça, des muffins anglais! Ah, c'est bon. Texture de cette histoire-là! Et je vire l'écran pour vous montrer la photo. Oui! Du petit muffin anglais avec une galette d'œuf de bacon et du fromage râpé. Ah, oh, raped cheese! Raped cheese! Et c'est inapproprié comme gag, mais ça! Mais sans oui, c'est non, là. Oui! Hein? Sans cheese, c'est non! donc, c'est pas. On dit dans l'article que c'est pas aussi flashy qu'un bagel. Excuse-moi, mais un bagel, aussi que tu fais un sandwich sur un bagel, pour moi, t'enlèves tout le goût parce que c'est le bagel qui prend toute la place. Pour vrai, là? Tu trouves? Moi, ça dépend. Ça. À la chasse-galerie, tous les sandwichs qui ont eu des bagels, ils me semblent ont moins duré que les autres. Ouais. Le goût reste trop, là. Elle avait fait un sandwich à viande fumée. Si elle avait été sur autre chose qu'un bagel, ça aurait été un énorme succès. Bref. C'est vrai que c'est dense un peu, bagel, puis ça dilue le reste. Dense, bagel. on dit aussi que c'est pas aussi versatile que le pain tranché, mais moi, je trouve que ça fait différent, ça varie. J'aime ça. Ben, ça a juste la bonne grosseur pour rentrer dans une main, sans que t'aies besoin de le couper. Oui. OK? Ça a aussi la bonne dureté. Oui, c'est moelleux. Parce que, non, mais c'est vrai, parce que... Croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur, ouais, c'est ça qu'on veut. Mais des tranches de pain, là, admettons que tu tiens ça avec une main, là, même si t'as des vraiment grosses mains, le pain, il va comme un peu comme tomber entre ton... Ouais. En dessous de ton pouce, là. Hein? Ouais, ça va tomber chaque bord, tandis qu'un muffin anglais, là, ça a de la bonne consistance de pour que tous les ingrédients restent à leur endroit. Et c'est white people problems. Pour ça que j'ai pas besoin d'un café à matin. Voilà. Un white people product, en effet. Ensuite, on va au 26 avril, c'est la journée où on caline un Australien. En quoi, un Australien? Ça dit pas que ça doit être un humain, ça pourrait être, j'imagine, un petit koala, quelque chose comme ça. Attends, qu'est-ce qu'on fait? On câline un Australien. Câline. Un hug. Fait qu'il faut qu'on se trouve un Australien, genre le 26 avril. Mate. OK. Le 26 Mate. Avril. Toujours le même jour, le 26 avril, la journée nationale du bretzel. Ah, le fameux bretzel. Ah oui, absolument. La bière est optionnelle, nous dit-on, mais c'est une bonne nourriture de bar. Quand tu bois la bière, tu manges du bretzel, c'est salé, ça te donne soif. Tu c'est bois vrai. La bière, ça te donne faim, tu bois des bretzels, ça te donne soif, tu bois la bière. Tu bois des bretzels. Tu bois des bretzels. Tu l'as échappé dans ta bière. Bretzel à la bière, miam, bière au bretzel moyen. Tu sais? Ouais. Ouais. On est d'accord. Le 27 avril, la journée nationale. Non, mon Dieu. Je vais le dire en anglais. National Little Pampered Dog. Donc, tu sais, les petits chiens là, que tu tiens dans ta sacoche ou dans ton bras quand tu vas au magasin. Genre là. Les chihuahuas. Ah, que ça m'énerve, ces gens-là qui font ça. C'est laid. C'est laid. C'est comme tu fais c'est tellement prétentieux. T'as l'air de Paris Hilton dans les années 2000. C'est vrai. Oh mon Dieu, fin des années 90, début des années 2000. Mais bref, ça existe encore. Et c'est la journée de votre chien qui est beaucoup, beaucoup trop attentionné. T'sais, c'est méchant pour le chien. Il n'a rien demandé à se faire... À se faire habiller en chemise hawaïenne puis porter des lunettes de soleil. Exactement. Il n'a pas demandé ça. Bref, on reconnaît la vie de ces chiens très chanceux par oblique très malchanceux. On va au 29 avril maintenant, qui est la journée mondiale du Tai Chi et du Qigong. Du Qigong? Qigong. Qigong. Ça, c'est... Qigong père. Qigong père, je savais. Je m'en avais tellement parlé. Qigong père. Mais non, donc c'est une journée pas d'arts martiaux, mais de trucs yoga, style calme, zen, que les personnes font dans le parc des fois. Tai Chi. Tai Chi. Voilà, c'est tout pour la liste des choses qu'on célèbre au mois d'avril. C'était super, super utile. Ben oui. Comme toujours. Ben, on aime ça. On aime ça de même. La journée du muffin anglais, là. Ah, mais il manque la journée du crumpet. Le crumpet Est-ce que vous connaissez le crumpet? Ouais, mais oui, mais je pense que c'est pas tant crumpet. Non! Je sais pas si j'en ai déjà mangé. Les petits monts évalés, c'est comme un muffin anglais, mais encore avec plus de monts évalés. Regardez-moi ça comment c'est beau. Crumpet, C-R-U-M-P-E-T. Je pense qu'il Google. Y a trop de monts évalés pour moi. Ah, t'aimes pas ça, t'es une fille... C'est ça, un crumpet. T'aimes pas le ski de fond. Non, c'est comme genre un pancake avec ben des trucs dedans. Ouais, c'est ça. Ça ressemble vraiment, je trouve, à un muffin anglais dans cette texture-là. Ah. C'est très, très, très bon. Je vous le conseille énormément. C'est un petit peu plus cher, mais pour se gâter des fois là, avec du beurre. Il doit avoir des recettes aussi qu'on peut faire à la maison. Oui. Ah. Donc, Crumpet, C-R-U-M-P-E-T, si ça vous intéresse. Nous, on est dû pour une petite chanson avant de passer à Tania Is Gonna Entertain Ya. On va s'entendre. Et là, complètement au hasard, parce que j'ai pas... toi et moi, Tania, on n'a pas entendu les nouveautés du palmarès depuis un mois et demi. Toi, ouais. T'es entendu où? Ici. T'es sûr que tu faisais pas juste se jouer tout le temps Émile Bordeaux? Non, je te jure que non, parce que j'avais tout le temps les nouvelles feuilles du palmarès. C'est peut-être que tu te levais trop tard, Mathieu. J'ai tout écouté l'émission. Ah! Mais... sauf quand t'as disparu chez les moines. C'est de deux, trois jours, moi j'avoue. Sur un mois, c'est quand même possible. Bref, on écoute une nouvelle pièce de OP! OPE! OP! OP! Voici Omar Kader, tout de suite à l'assemblage Rocky. Oppa! Comme les. Tu vois, celle-là, je l'ai fait jouer la semaine dernière, donc t'écoutes je pas. Sais, hein? Je m'en souviens. J'étais là. Je t'ai pas tout à fait réveillé. T'étais pas là. J'écoutais, mais je somnolais un petit peu. Ah, c'est ça. Un jour, c'est promis. formation OPE et la pièce Embarcadère à Assemblage requis. Talia, je te jure, j'ai écouté presque toutes les émissions que t'as fait, mais les chansons, on dirait que j'ai comme j'écoutais pas. Je pense que je. Ouais, c'est ça. Ben, c'est parce que la plupart du temps, c'est ça qu'on fait. Du moment qu'il y a une chanson ou peu importe, on s'occupe à autre chose. Exactement. On se lave les dents, on va aux toilettes, peu importe. C'est ça. On prend une pause au retour. Je suis contente de savoir que tu m'écoutais sa bolle. T'es contente de savoir que j'étais pas sa bolle pendant que tu parlais. Oui. Au retour, Talia is gonna entertain à Assemblage requis. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. C'est fou, c'est fou, c'est fou. 89. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Toujours à Assemblage requis ce mardi 18 avril 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. On a gardé Justine Renaud encore une fois avec nous. Coudon, c'est la première fois de. Qu'elle reste aussi longtemps. Je suis prise en otage. À l'aide. Dis pas ça en onde à la radio. Parle au moins en code. C'est ça. Exactement. Maintenant, tiens, on va se rappeler un petit peu des bons souvenirs du dernier mois en écoutant Tania parler pas mal toute seule pendant un petit bout de temps. Non, mais pour vrai, je vais essayer de pas faire ça trop long. Tu faisais 3-4 chroniques par émission, t'étais extraordinaire. Il y a certains matins, j'avais fou, pas le choix. C'était ça ou bien de la musique. Avec la fin de session, beaucoup de chroniqueurs t'ont laissé tomber. Mettons. Comme... hein, Justine? Ouais. Avec les labs. J'étais pas... Mais oui, oui, certains matins où c'était plus difficile que d'autres. Ouais. Et moi, non seulement j'étais supposé partir juste 3 semaines pour mon bras cassé ou fracturé, mais en plus, on m'a mis en arrêt de travail 3 semaines de plus que ça, 2 semaines de plus. En tout cas, bref, ça fait un mois et demi en tout. Fait que merci encore. Ça fait plaisir. Je te remercierai jamais. En fait, je me dis que mes chroniques dans les prochains jours vont probablement être très courtes, vu le fait que c'est sûr que je vais râler de quoi que j'ai dit dans les derniers mois. T'as épuisé ton compte. C'est sûr. Et je te l'ai dit en rond, mais tu peux prendre le droit de ne pas faire de chronique. N'importe quoi. Je sais, tu me l'as dit, mais tu sais, sinon, j'y viendrai pas. Hey! Si tu veux te payer, au fond, tu viens. Oui, c'est ça, vu comme ça, fait que je me suis dit, tant qu'à venir, aussi bien parler. C'est ça, hein, tu sais, il y en a qui sont paresseux, et ce n'est pas notre cas. Hein? Ce n'est pas notre cas. Merci, merci. Donc, voilà, te voici, avec ta chronique quotidienne, ou presque, on verra. C'est Tania is gonna entertain you. Oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas chanté. Mais c'est vrai, hein? C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania! And she's gonna Tu vois, je me suis ennuyée des paroles. Oui, parce que Tania, pendant mon arrêt de travail, ne chantait pas les paroles, elle laissait aller la musique. Ben oui, parce que je trouvais ça un petit peu égoïste de chanter mes propres paroles. Ouais, un peu. Hein. Ça a fait fraîche pète un peu, comme on disait au primaire. Donc aujourd'hui, tu nous parles de mal, de mots, de douleur. Oui, exactement, parce que parfois, on le sait, puis il y a plusieurs personnes qui le disent. Tu sais, si on a mal quelque part, c'est bien évidemment que notre corps veut nous dire quelque chose. Ouais. Tu sais, si, par exemple, je sais pas, moi, on a mal à la tête, bien souvent, c'est parce qu'on va être fatigué ou quoi que ce soit, mais il y a des mots aussi qui vont être automatiquement reliés avec nos émotions, et c'est de ça un petit peu que je veux vous parler aujourd'hui. C'est différents types de douleurs que vous faites avoir selon les émotions que vous faites ressentir. Donc, vous allez voir, à différents endroits sur le corps, ça veut pas nécessairement dire que vous vous sentez tout le temps de la même façon. Et c'est un peu ça que je veux démystifier avec vous aujourd'hui. Donc, la premier endroit où on peut avoir mal bien souvent et que ça va être relié avec nos émotions, c'est la tête. Si on a mal à la tête, souvent que ce soit par exemple une migraine ou tout simplement un petit mal de tête qui est désagréable, bien ça va généralement être causé par le stress. Ça, on le sait la plupart du temps. C'est pas quelque chose qui va être nouveau. Ça va être le stress de la vie quotidienne la plupart du temps. Tension musculaire des fois qui peut faire mal. Exactement. Dans le cou, comme ça. Mais aussi notre incapacité à prendre des décisions ou à les appliquer. Oh. Donc, le fait de pas tout le temps savoir si on veut vraiment faire quelque chose, bien, ça peut amener un mal de tête à un certain point. Donc, fais juste pas le faire. Oui, c'est ça. Fait, écoute, hein, fous-toi-en donc. Donc, à un certain point, c'est quand même assez important de consacrer du temps en fin de journée, par exemple, pour se détendre et faire le vide de sa tête. On le sait, là, souvent, on dit on va faire le vide de sa tête. C'est assez difficile à faire ça. Souvent, se changer les idées peut nous amener à faire le vide de notre tête pendant quelques instants. L'alcool, ça aide toujours. Sur quelque chose d'autre, ça va te donner mal à la tête le lendemain. J'avoue. Donc, pouvoir arriver à faire le vide de sa tête, c'est souvent se changer les idées pour ne plus penser justement à un problème en particulier, ce qui va faire en sorte que notre fameux mal de tête va à un certain point disparaître. Donc, passer à faire, par exemple, des exercices de méditation, du yoga ou tout simplement aller marcher en écoutant de la musique, parfois, ça peut nous amener à oublier ce fameux problème qui nous amène ce mal de tête-là. C'est vrai, changer de mal de place, c'est bizarre, mais on dirait que, je sais pas si c'est quelque chose de normal, mais quand je me suis cassé le bras, mon mal de tête a arrêté parce que j'avais mal au bras. Puis quand mon mal de bras a commencé à faire moins mal, j'ai commencé à avoir mal à la tête. Exactement. Ouais, le mal de peut-être que... C'est ça, exact. Physiologiquement, ça s'explique. Ouais, hein? Ouais. Étrange. Tu vois, Justine, elle est là pour ajuster les points sur... c'est ça, exactement. Ouais. Un peu la même manière que quand on se cogne quelque chose puis qu'on se met à frotter cet endroit-là. Ouais. On est capable d'anesthésier carrément notre douleur. Parce quand qu'il tu y a sacres comme... aussi. Ouais, non, d'habitude, non. Mais non, ça marche pas, je pense pas. Mais sérieusement, mettons, tu te cognes le genou puis tu te mets à te frotter le genou. Le fait de se frotter le genou puis. Circulation sanguine. C'est même pas ça. Ah, ouais. C'est carrément qu'on active des neurones ascendants, donc des neurones qui se rendent jusqu'au cerveau pour dire au cerveau, yo, OK, on est en train de masser l'endroit, on va réduire la douleur. On ça vient vraiment comme mettre sous silence les autres neurones en parallèle qui sont des neurones de douleur. Fait que l'espèce d'effet narcotique de ce... Pas narcotique, mais... De se frotter. Anesthésiant, de se frotter, c'est vraiment prouvé. Fait que oui, c'est changer mal de place, de se cogner quelque part, puis de plus avoir mal à la tête parce qu'on s'est cogné à quelque part, mais parce qu'on s'est cassé le bras. Mais tu sais, on s'entend, ouais, si t'as une fracture ouverte, là, te frotter, ça changera pas grand-chose non plus. Fait que c'est juste le milieu des choses, mettons. Mais non, c'est vrai. Fait qu'effectivement, là, commencer à penser à d'autres choses, là, juste vraiment là, changer mal de place comme ça, là, ça s'explique carrément. C'est pas fou. Le deuxième endroit, eh bien, c'est le cou. Parfois, tu sais, il y en a qui vont avoir mal au cou. Et puis, si on a mal, bien, ça peut être, entre autres, à notre incapacité à pardonner aux gens autour de nous. Wow. Ou à nous-mêmes. Donc, si, par exemple, tout à l'heure, on disait que d'avoir mal à la tête, c'est peut-être que tu sais pas trop si tu veux prendre une décision, tu jongles entre deux décisions. Eh bien, là, si tu prends cette fameuse décision-là, puis finalement, t'es pas capable de vivre avec, bien, tu peux très bien avoir mal au cou parce que ça va être relié avec tes émotions. Donc, essayer de défaire ces émotions négatives-là et de nous concentrer, par exemple, sur des choses qu'on aime autour de nous, donc dans notre entourage, bien, ça pourrait nous aider à oublier, par exemple, nos erreurs ou encore aller de l'avant dans notre relation avec, justement, nos décisions. Si on parle au niveau des épaules, parce que souvent, quand on va parler des émotions, quand on va parler du stress puis tout ça, le poids c'est, du souvent monde sur ouais, c'est souvent le haut du corps qui va en prendre une pelletée, mais qui a pas mal aux épaules justement après avoir, par exemple, porté une charge trop lourde, que ce soit votre sac à dos en fin de session ou un meuble en déménageant ou peu importe. Mais en réalité, cette charge-là, ça peut aussi être physique et qu'émotionnelle. Donc, tout à l'heure, tu disais porter le poids des épaules, le poids du monde sur nos épaules. La pression de l'émission de radio toute seule pendant un mois et demi. Oui, c'est ça. J'ai plus mal. Soulagement ce matin. C'est ça, exactement. Donc, il faut pas surtout se laisser submerger par nos fameux problèmes de vie. Il faut surtout en discuter et alléger nos soucis, par exemple en les partageant avec les personnes qui vont être proches de nous, que ce soit des amis ou que ce soit notre famille. Et vous allez voir, ça va réduire votre charge et aussi, ça va apaiser votre douleur que vous allez avoir sur les épaules. Tu sais, souvent, on va avoir, par exemple, je sais pas moi, un questionnement ou tout simplement quelque chose qui va titiller notre attention pendant longtemps. Puis si on en parle, bien déjà, t'as l'impression, tu sais, que ton poids sur les épaules est moins large. Bien, c'est souvent ça. C'est que la plupart du temps, tu vas tout le temps être crispé parce que tu vas tout le temps penser à ce fameux problème-là. Alors, quand tu vas en parler, quand tu vas laisser aller ça, bien, ça va te dégager les épaules au niveau de tes émotions aussi. Tout à fait. Si tu prends des relaxants musculaires et que ça ne relaxe pas tes muscles, c'est que c'est pas tes muscles le problème, c'est ton mental. C'est ça. Par la suite, c'est le haut du dos qui peut en prendre une claque selon tes émotions. La douleur, en fait, va se localiser en haut de notre dos, ce qui va signifier qu'on a un manque de soutien émotionnel la plupart du temps. Donc, on va se sentir, par exemple, seul ou on va se sentir mal aimé et on va avoir l'impression qu'on n'a pas nécessairement notre place dans notre entourage. Et il faut se donner la chance de remplir ce vide-là, justement, en se concentrant, par exemple, sur les aspects qui vont être positifs dans notre vie. Si, par exemple, on est célibataire, bien, c'est peut-être le temps de se dire qu'on doit se laisser séduire ou qu'on doit avoir quelqu'un dans notre vie. Donc, il faut être capable de combler ce fameux manque-là qui nous pèse justement sur le haut du corps en se disant qu'on peut combler avec les choses positives de notre vie et d'aller chercher surtout ces points positifs-là autour de nous. Si on y va avec le bas du dos, par contre, tu sais, quand on dit que tu souffres d'un lumbago, t'as-tu déjà entendu parler de ça? Oui. Mon grand-père souffrait tout le temps de ça, je sais pas pourquoi. On dirait qu'on n'en parle plus, on a-tu plus le lumbago? Non, mais d'après moi, on y donne d'autres noms, je sais pas. Je croyais que ça sonnait comme un nom de danse, moi, quand j'étais petite. Oui. C'est vrai, hein? Ou un Winnebago. Justine, je veux juste t'avertir qu'ils partent avec tes pancartes. Ben, il y a des pancartes avec... C'est quoi l'animal sur la pancarte? Un badger. Un badger. Oui. C'est quoi en français? Il y a des badgers sur la pancarte. Et Justine voulait aller, on va se le dire vu qu'elle ne fera pas, voler la pancarte. Oui. Mais là, je lui ai dit, c'était sûr que t'allais te faire prendre. Mais d'après là, moi, il y a de quoi sur l'autre côté? Parce qu'ils ont tous l'air de regarder l'autre côté. J'avoue. Ah, mais le c'est mystère peut-être plane. D'autres badgers. Martin Lambert. On veut les badgers. Mesdames et messieurs, Martin qui part avec mes badgers. C'est important. Je suis pas contente. C'est des pancartes à vendre de quelque chose. Ah, bon, okay, je m'excuse, mais l'autre côté est tellement plus intéressant. Ils vendent l'université pour faire de l'argent, pour pouvoir se repayer leur salaire. Mais c'est peut-être un party... corrompu ou clandestin qui a eu lieu dans les locaux, le campus. Ouais, ou... Parce qu'ils ont tous l'air de ne pas savoir d'où que ça vient. Cet intermède était présenté oui, par exactement. Le badger. Donc, pour continuer avec le lumbago. Qui peut ressembler à la salsa ou à Winnebago. Exactement, d'autres danses ou tout simplement une douleur au bas du dos. Bien, c'est généralement relié à vos problèmes financiers, sachez-le. donc, si vous avez du mal à gérer, par exemple, votre revenu ou vous demandez des conseils tout à un spécialiste, là, je lève les deux bras en même temps, c'est tout à ce que je fais. Bien, pensez en fait à vous mériter peut-être une augmentation ou à discuter avec votre boss d'une augmentation. Et surtout, n'hésitez pas à le demander parce que la plupart du temps, c'est ça qui va vous enlever ce fameux mal-là du bas du dos. C'est qu'on a peur de demander pour une augmentation de salaire ou on a peur de demander tout simplement notre situation financière elle se passe comment là, jusqu'à présent. Et si vous le faites, bien, vous allez justement vous enlever ce poids-là du bas du dos. Ou encore continuer de l'avoir. Oui, c'est ça. Vous faites aussi l'endurer et prendre des médicaments. C'est ça. douleur au coude, Mathieu, ça peut te jaser, ça. Oui, mais toi, oui. C'est clairement quelque chose qui t'est arrivé, fait que c'est pas tes émotions, je suis désolée. Ben, mais ben, la glace me fâche. Oui, c'est ça. Si vous avez, par exemple, une douleur articulaire, bien, ça peut témoigner de votre résistance au changement. Donc, tu vois, là, laisse le changement replacer ton coude, ouais. Mathieu. Fais pas des gros mouvements de comme je viens de faire, parce que ça fait mal. C'est ça. La plupart du temps, vous pouvez vous ramasser, par exemple, avec les bras rigides. Vous allez souvent avoir l'impression que vous êtes tout le temps en train de raidir les bras. Bien, c'est parce que c'est le reflet de votre mode de vie inflexible. Si vous allez avoir une difficulté, justement, à gérer certaines choses et à faire une flexibilité dans votre vie. Donc, dans la vie, si on veut faire preuve de souplesse et de flexibilité, bien, il faut laisser l'évolution de la vie nous adapter, justement, à un rythme qui va être quand même... effréné à un certain point. Donc, si vous avez tout le temps les bras raides, si vous avez tout le temps cette pas fâcheuse habitude-là, mais si vous avez tout le temps l'impression que vous avez tort ou que les gens autour de vous vous disent tout le temps que vous avez tort, bien, c'est quelque chose que vous allez pouvoir remarquer, c'est que vous allez avoir automatiquement les bras rigides et c'est ça qui va vous donner une douleur aux articulations du coude. Eh ben. Hey, message au good old party des États-Unis. soyez plus flexible, gang de conservateurs endurcis. Par la suite, douleur au niveau des mains. Parce que avoir mal aux mains, c'est désagréable. Mm-hmm. Y a-t-il quelqu'un qui n'utilise pas ses mains à chaque étape de. T'es quelqu'un qui n'a pas de mains. Vu comme ça, merci. Ils ont pas mal aux mains. Ouais. Je m'en vais. Mais si on a mal aux mains, la plupart du temps, ça peut être relié à une incapacité à communiquer de façon correcte avec les autres et aussi de nouer des relations qui vont être sincères avec ces gens-là. Donc, si on a l'occasion, par exemple, de retrouver une connexion avec les personnes qui nous entourent et qu'on est prêt à faire de nouvelles connaissances et de nouvelles rencontres, bien souvent, notre mal aux mains, et ça va être relié souvent au creux de la main, bien, ça va disparaître assez rapidement si on se dit, bon, ben ce soir, je me dis que je vais vouloir faire de nouvelles connaissances, je vais vouloir faire de nouvelles rencontres. Ce soir, je vais y aller. Dans mes yeux. Je vais aller avec des amis, par exemple, en ville. Je vais jaser avec les gens autour de moi sans nécessairement les connaître à première vue. Bien, c'est quelque chose qui peut vous aider à réduire votre douleur aux mains. Par la suite, douleur aux hanches, ça peut arriver plus vous vieillissez, mais aussi de façon émotionnelle. C'est un type de douleur, en fait, qui va se manifester à cause de votre peur à aller de l'avant. Ah, OK. C'est quand même drôle, c'est ironique. Mais si vous avez... Un mouvement de va-et-vient de la hanche. Exactement. Si vous avez du mal, en fait, à trancher dans les affaires qui sont en cours ou à prendre une décision, c'est tout à l'heure, on parlait du mal de tête qui peut être lié à ça. Bien, ça peut être lié, votre mal de tête, votre mal de hanche, parce que sachez-le, si ça va vraiment mal de façon émotionnelle dans votre vie, ça se peut que vous avez mal partout. Donc, vous pouvez, si vous avez mal aux hanches, rester sur vos gardes et vous allez craigner, par exemple, les changements qui vont être futurs. Donc, tout à l'heure, on parlait de demander une augmentation de salaire et tout ça, bien, ça peut amener d'autres problèmes émotionnels qui vont vous amener, justement, par exemple, une douleur ailleurs. Et à ce moment-là, ça va être temps de vous armer, par exemple, de courage et de vous détacher de ce qui vous ralentit de votre évolution et vous entraver, justement, à votre avancement. Donc, de se dire, bon, là, ça suffit, je fais quelque chose pour mon futur, je laisse mon passé de côté et je vais de l'avant. Mais bien souvent, ça va enlever ce fameux mal-là au niveau des hanches. Et le dernier endroit qui peut être lié avec vos émotions... Les genoux. Eh bien oui, c'est les genoux, ben, t'sais, t'es fort. Vos genoux, en fait, c'est connu pour supporter le poids de votre corps et aussi le poids de notre ego. Donc, Mathieu, t'as un trop gros égo. Ouais, en fait, d'égo. Quand ça devient douloureux, quand les genoux deviennent douloureux, ça reflète une charge trop importante qui n'arrive plus nécessairement à supporter. Donc, si vous refusez, par exemple, de plier aux exigences de la vie, de peur de voir votre égo touché, vous vous dites, ah non, je ne veux pas nécessairement faire ça parce que si je fais ça, ben, je vais en prendre une claque au niveau de mon égo. Bien, soyez modeste. Rappelez-vous, en fait, que vous êtes qu'un simple mortel qui manquera pas d'être malmené par les difficultés de la vie parce qu'on y passe tous. Faites du bénévolat, ça peut aider de laisser votre ego de côté pendant quelques moments. Faites des recherches aussi sur laisser notre ego de côté pendant quelques temps. C'est sûr que quand on dit de laisser notre ego de côté, ça veut pas dire de laisser notre confiance de côté ou de laisser ce qu'on vaut de côté. Ça veut tout simplement se dire que parfois, peut-être que d'aider les autres ou tout simplement de se dire que ça va pas être la fin du monde parce que ça va pas nécessairement aller comme on veut, va faire en sorte que notre vie va être terminée. Ça arrête de penser que t'es meilleur que les autres, plus. Ouais, c'est ça. T'es pas, oui, t'es pas meilleur exact. Que le voisin. Va te l'acheter ta glucosamine, là. C'est hein, ça. D'Adrien Gagnon, là, pour t'sais, les genoux. Si tout le monde mange des légumes, ben mange des blagues, légumes. Ça marche pas? C'est ça. Elle dit que ça marche pas, glycosamine, non? Mais là, je m'excuse. Mais moi, c'est un facteur parmi tant d'autres, l'émotion. Là, ça peut être aussi, je remarque que j'ai mal aux genoux quand il pleut dehors. T'sais. Ça peut être l'humidité. Ouais, mais tu fais-tu de l'arthrite? Non. Ah. Pas que je sache. Tu fais un petit peu de rhumatisme. Ouais, c'est ça. Je te l'annonce. On te l'annonce. On te l'annonce. OK, mets ton ego de côté puis avoue que tu fais du rhumatisme. OK, je suis vieux. C'est correct. Je l'assume. Tout le monde me le dit. Mais à ce moment-là, tu sais, posez-vous les bonnes questions. Regardez où vous avez mal et quel genre de changement vous pouvez faire par rapport à ce mal-là ou qui va se trouver sur votre corps. Et bien souvent, vous allez voir, d'ici quelques jours, si vous faites un changement à votre vie quotidienne, bien vous allez vous sentir beaucoup mieux. Bon, tu vois, et il y a personne qui a mal au pied parce qu'il y a aucune mention du pied. Mais en fait, savais-tu que le dessous du pied, ça représente ton corps en entier? Ah oui, la réflexologie, hein. Tu vois, il y a des nerfs qui pointent vers dessus. Ben, je sais pas si Justine, de façon scientifique, veut réfuter ce que je dis. Je veux dire, il y a un fondement scientifique pour la chose. Maintenant, les preuves scientifiques pour vraiment solidement lier telle ou telle région du dessous du pied avec telle autre région corporelle, c'est encore en développement, tout ça. Mais essentiellement, c'est juste que, effectivement, dans le fond, les neurones dans nos nerfs C'est des neurones très très longs. Mm-hmm. Et un neurone, un nerf dans le fond qui va passer, je sais pas, proche du foie, va aussi aboutir à telle région sous le pied. Et peut-être qu'en massant telle région donc, sous le pied, on va en ressentir des bienfaits au niveau du foie. Mais si les bienfaits ont un lien avec le système nerveux, oui. Si t'as... T'sais, si ton foie se porte mal pour des raisons qui sont pas nerveuses, ben, te flatter le tout du pied, ça change rien. C'est un peu difficile. T'sais, fait que, oui, il y a un fondement. Il y a un fondement neurophysiologique à la chose, neurologique, mais ça, tout ça reste à prouver. Mais t'sais, c'est valable comme idée. On travaille là-dessus. Fait que, t'sais, si vous voulez éviter tout ça, ben, frottez-vous, massez-vous les pieds à chaque soir. Partout. Hey, partout, man. Ah, t'as pas parlé de te frotter à un autre endroit que personne ose dire, hein? Si t'as mal là, tu te frottes-tu là? Oh my god, de quoi qu'on parle là? Moi, je parle de réflexologie en dessous des pieds, Mathieu. On sait tous de quoi je parle. C'est toi qui parlais des dessous de pieds, là, pas moi. Ouais, mais ces zones-là intimes sont aussi représentées sous les pieds. Oui, exactement. Fait frottez-vous les pieds à la place de vous frotter les parties. Masse-toi le dessous de pied, Mathieu, puis il devrait être correct. Oh yeah! Merci, Tania. Ça fait plaisir. Hey, j'ai appris plein d'affaires. Mais hein. Faudra que je fasse attention là, à mes genoux, moi, je pense. J'ai trop un gros moi aussi, j'ai un gros égo. Je lisais l'article hier, puis je me suis dit, d'après moi, mon égo va en prendre un coup dans les prochains jours. On va y donner une petite pause à ton égo. Mais pourquoi pas, s'il vous plaît. Le temps de revenir après la pause. On va écouter, tiens, vu que je me suis cassé le bras. Oui. Et que tu parles de douleur. Oui. Je rends hommage à ça avec la pièce Brise-glace. Ah, quelle bonne idée. Je l'adore. Tu l'adores, dame-là. C'est l'assemblage hockey jusqu'à 9h30. Glace, assemblage requis. Au retour, les instructions d'assemblage. Restez là. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Vous êtes toujours sur les ondes de Cifou 89.1 FM dans l'émission matinale Assemblage requis, accompagnée de Tania Baudin et de Mathieu Plante. Oh, okay, oui. Oui. Elle nous reste un petit peu moins d'une demi-heure à l'émission d'aujourd'hui. Oui. À 9h30, bien sûr. Tout plein de musique. Ben oui. Ça en viendra pour franchement. Vous. Oui, oui. Hey, hein? Wow. Un jour, le Mathieu Plante Show reviendra en rediffusion le mardi matin. Faut commencer par ça en faire une live, hein? C'est ça. Donc, pour le reste de l'émission, on va se renseigner sur des conseils de vie. Voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulez-les ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17, repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Les instructions d'assemblage, les cahiers dans lesquels on essaie de se trouver des façons de mieux vivre. Et justement, j'ai remarqué, moi je bloque les pubs sur tous mes furteurs internet, là, comme les gens qui veulent rester sains d'esprit. Donc je les bloque chez moi, je les bloque d'habitude au travail, mais là, le petit bloqueur de publicité vient de planter et ça me fait réaliser que de nos jours, les publicités sont rendues énormes. C'est vrai, ça hein? Ça prend presque tout l'écran. Tu peux pas les manquer. Voyons donc. Donc, adblocker, hein, ça vous intéresse? Donc commençons par les selfies et les photos de profil sur Facebook ou autres réseaux sociaux. Est-ce que t'es... je te le demande, mais je sais très bien de quel genre que t'es. Tu te prends des selfies en buvant ton café, puis tu mets ça comme photo de profil, ça t'arrive. De mettre ça en photo de profil? Tu prends une photo de toi-même, clique selfie, tu la mets sur Facebook. Tu fais ça, des selfies. Ça arrive, oui. Souvent, bon. Oui. Je pense que tout le monde, à peu près, met des photos selfies. La plupart vont pas demander à quelqu'un de se faire prendre en photo. Non, ouais, c'est assez rare que, à moins que je sois dans un événement là, avec des personnes. Ou avec un photographe professionnel. Exact. Donc, souvent, tu vas choisir une photo que tu prends toi-même avec ta propre main, ton propre téléphone. Une nouvelle étude nous suggère en fait qu'on est mieux de demander à quelqu'un d'autre de choisir ta photo de profil. Je fais ça, moi. Pour vrai? Souvent, je vais demander à ma mère. Ah ben, Caroline, c'est comme si tu avais entendu parler de l'étude de l'Université de New South Wales, publiée dans Cognitive Research Principles and Implications, qui a demandé aux participants de prendre une photo de profil d'eux-mêmes pour utiliser sur un réseau social. C'est de dating, peu importe. Ensuite, on leur a demandé de choisir lesquels ils avaient plus envie d'utiliser et moins envie d'utiliser. Ils ont coté chaque photo sur leur niveau d'attirance envers leur photo et comment ils se trouvaient attirants eux-mêmes, sur la confiance qu'ils se donnaient à eux-mêmes, dominance, compétence et confiance. Les participants devaient ensuite faire la même chose avec une photo qui appartenait à un étranger. Donc, okay. La recherche nous apprend que les images choisies par les étrangers faisaient une meilleure première impression que les images choisies par les gens eux-mêmes. Leur propre photo de profil, tu comprends? C'est David White, l'auteur principal de l'étude, qui nous suggère que c'est parce qu'on a tendance à favoriser des images de nous-mêmes qui montrent l'attirance physique. Tout ça, c'est très, très bien, mais c'est pas toujours la qualité la plus importante qu'on cherche dans une photo de profil. C'est mieux d'avoir l'air compétent et confiant en soi-même sur des sites comme LinkedIn, par exemple, site de recherche d'emploi. C'est mieux d'avoir l'air d'une personne de confiance sur un site de dating, par exemple. C'est mieux que l'attirance physique. Donc, White dit que les gens qui sont bons à voir pour voir ces subtilités-là dans les visages des autres, mais sont pas très bons pour voir ça dans leur propre visage. L'étude a été faite avec des étrangers et non pas des amis. Je sais pas si ça va être la même chose avec des amis, mais ça ferait pas de mal d'avoir une deuxième opinion sur votre photo de profil. Ensuite, on parle de mauvaises habitudes. Est-ce que tu as des mauvaises habitudes de dépenses financières? OK. Ça arrive. Check mon compte en banque, j'ai juste ça. Check le compte en banque de pas mal tout le monde. Donc, c'est le moment de se développer de meilleures habitudes financières. On aime ça en parler une fois de temps en temps à l'émission. Maintenant, on essaie de résoudre ce problème-là avec... ici, on parle en fait de la personne qui écrit l'article parle qui a commencé à vouloir se réveiller plus tôt là, chaque matin et pour se motiver, il a acheté un réveil matin Bluetooth pour se réveiller à 6h du matin. Donc, il trouvait ça vraiment cool. Sauf que ça n'a pas résolu son problème. Résolu? Ouais. Résolu? C'était plus une distraction et un gaspillage d'argent. Donc, okay. Lui, il a essayé de lancer de l'argent sur son problème, mais il n'a pas mis ça à la bonne place. Tu devrais y aller sur ta motivation et non pas sur t'acheter un gadget pour essayer de régler ton problème. Parce que le problème, c'est pas le fait que tu n'as pas d'alarme ou que tu n'as pas de gadget Bluetooth. le problème est mental. Ouais. Tu comprends? C'est la même chose avec la diète et l'exercice. Des fois, tu vas te mettre, bon, tu vas aller sur une diète, tu vas vouloir t'acheter plein de livres, plein de trucs Weight Watchers, peu importe. Le problème n'est pas là, le problème est dans ta motivation de le faire. Exact. Ou encore pour l'exercice, tu vas être acheté un vélo stationnaire, tu vas être acheté des poids. Hein? Non, ton problème, c'est la motivation. Tu le faisais pas. Même si tu achètes plein d'affaires, tu n'auras pas plus envie de le faire. Tu comprends? Ouais. Donc, c'est un peu ça, de ne pas lancer votre argent sur vos problèmes. Essayez de régler vos problèmes à la base, à la place. Évidemment, un conseil, je ne vous dis pas que c'est ce que vous devriez faire, mais vous pourriez le laisser. Ensuite, alors ça, c'est un conseil important pour les gens qui sont fanatiques de Dropbox. Nous, ici, à C'est fou, on utilise beaucoup Dropbox parce qu'à notre expérience, Google Drive synchronise jamais les fichiers comme il faut. Donc, on est resté toujours sur Dropbox. Et vous avez peut-être remarqué, et je l'ai remarqué à mon insu, en fait, que le dossier public n'est plus public. OK. Ouais. Donc, pour les comptes Dropbox qui ont été créés après le 4 octobre 2012, c'est ouais. une date vraiment comme au hasard, mais 4 octobre 2012, le dossier public, qui avant était la place où on pouvait envoyer des trucs pour pouvoir les envoyer à ses amis, oui, oui, oui, des photos, des fonds d'écran, peu importe, pour le partager d'un ordinateur à un autre, et bien maintenant, ce n'est plus public. Si vous êtes un ancien de Dropbox, donc avant le 4 octobre 2012, le dossier reste public, mais on ne peut plus rendre son contenu en HTML pour pouvoir faire cliquer les gens dessus. Pour les autres, donc ceux qui sont depuis 2012, le contenu est maintenant privé dans votre dossier public. Et si quelqu'un visite l'adresse de votre dossier public, ils vont avoir un message d'erreur. C'est pour ça que depuis quelques semaines, sur le site de Zone Campus, tous les fichiers PDF des anciens Zone Campus ne fonctionnent plus parce qu'ils étaient dans le dossier public depuis toujours. Voilà. Donc, il va falloir les changer de place. Et j'ai vu cet article-là après qu'on m'ait parlé du fait que les PDF ne marchaient plus. Et je me posais la question de pourquoi. Ben, c'est pour ça. Donc, le dossier public n'est plus public. On peut encore partager des dossiers et des liens, mais le dossier public en tant que tel est parti et la façon de partager des fichiers a aussi changé. Donc, faites attention à votre dossier public. Ensuite, on change, mais complètement de domaine pour parler de gens attirants. OK. On dit que si t'as un partenaire ou une partenaire qui est très, très attirante, tu sais, style top modèle, ouais. cette personne-là restera peut-être pas aussi longtemps. Étrange, OK, hein? ouais. Donc, OK. Donc, si tu viens de commencer à sortir avec quelqu'un qui est vraiment très, très hot et que tout le monde tripe dessus, une nouvelle étude dit que la plupart des gens très attirants sont pas très bons pour garder une relation. C'est une étude menée par la chercheuse Christina McCullums, publiée dans le journal Personal Relationships, qui comprend, dans le fond, quatre études qui sont faites pour répondre à la question de « Est-ce que les gens qui sont vraiment beaux sont meilleurs ou pires dans des relations à long terme? » Les deux premières études de la série suggèrent qu'il y a un très bon lien, un lien marqué entre l'attirance d'une personne et la durée de la relation. On dit donc que les personnes attirantes ont tendance à avoir des relations plus courtes et plus de divorces. Et là, on parle des deux autres études qui disent à peu près la même chose. Là, je vous passe les détails. On croit donc que les gens qui sont plus beaux ont plus de tendance à se divorcer ou à rompre parce qu'ils ont moins à travailler pour maintenir une bonne relation parce qu'ils savent qu'ils peuvent tout de suite aller chercher quelqu'un d'autre parce qu'ils sont tellement hot qu'il y a tellement de gens qui leur courent après qui ont moins à travailler fort sur leur relation parce qu'ils peuvent juste passer à autre chose. Tu comprends? Je comprends. C'est un peu ce qu'on en dit. Donc, ça donne plus d'options pour sortir avec plus de monde. Hein? Et le gazon a toujours l'air plus beau. Ouais, c'est ça, c'est un peu plate. Tu prends moins soin de ta relation. C'est ça. C'est triste. Encore une fois, on change vraiment de domaine avec une bouteille. Une bouillotte. OK. Je me suis acheté une bouillotte récemment. J'avais envie d'acheter une bouillotte et j'ai vu qu'il y en avait à la pharmacie pour 7$. Je me suis dit pourquoi pas acheter une bouillotte. Et c'est vrai que c'est vraiment cool. Une bouillotte. En fait, c'est une très belle chose lorsqu'il fait froid dehors, lorsqu'il mouille dehors. Il y en a qui vont avoir un petit coussin électrique, c'est cool. Il y en a qui vont prendre un sac magique, c'est quand même bien aussi. Mais une bouillotte, je trouve que c'est particulièrement cool, oui, parce que le chaud, sans avoir à être branché dans le courant et peut-être passer au feu si t'as couverte, je sais pas. Ouais. Des fois, j'ai peur de les découvertes électriques. Ouais, c'est vrai. Hein? Bref, une bouillotte, ça va pas prendre en feu et ça reste chaud très longtemps parce que c'est vraiment le bouchon est hermétique. Bref, si il fait froid chez vous, procurez-vous une bouillotte. C'est comme ça. C'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Moi, je les aime beaucoup. L'article dit rien d'autre que procurez-vous ça. Ah, d'accord. oubliez pas, par contre, qu'il faut pas la remplir d'eau bouillante. Hein. C'est marqué sur l'emballage, il faut la remplir d'eau chaude du robinet. Donc, c'est ce que je fais aussi. Ah, je savais pas. De s'assurer aussi de la mettre un petit peu à l'horizontale pour s'assurer que la bouillotte ne va pas se renverser lorsque vous allez la boucher au complet, parce que le bouchon prend de la place quand même dans la bouillotte. Bref, voilà, une bouillotte. Ensuite, on parle un petit peu de grammaire, on parle de virgule, on parle de langue. Dans une liste de choses multiples, mettons, petit gâteau, vanille et chocolat, est-ce que tu vas écrire petit gâteau, virgule, vanille, virgule et chocolat? Ou est-ce que tu vas écrire petit gâteau, vanille et chocolat? Avec une virgule juste après petit gâteau et vanille. Bien, en théorie, selon la langue française, il n'y aurait pas de virgule entre vanille et chocolat. Exactement. Normalement, il n'y aurait pas de virgule avant un « et », ni en anglais, ni en français. Exact. C'est exactement ça. Il y a des exceptions, si je me souviens bien, mais ça dépend de la construction de la phrase. C'est ça. C'est ce qu'on appelle une « Oxford comma ». Donc, la virgule qu'on met avant le « et ». Donc, c'est un gros débat dans le domaine de la langue. Hein? Et la virgule avant le « et » rend les choses beaucoup plus claires selon une poursuite qui a eu lieu récemment. C'est dans l'état du Maine. Les travailleurs n'avaient pas le droit à du temps supplémentaire si leur travail était, et je cite, et là, je vais le dire en anglais, « canning, virgule, processing, virgule, preserving, virgule, freezing, virgule, drying, virgule, marketing, virgule, storing, virgule, packing, for shipment or distribution. » OK. Il n'y avait pas de virgule avant le « ou ». Tu comprends? Mm-hmm. Donc, les chauffeurs de camions ont poursuivi, disant qu'ils méritaient leur overtime, leur temps supplémentaire, parce que leur job était de la distribution. Tu comprends? C'est pas du « packing for shipment or distribution ». La cour était d'accord que si l'État voulait que la distribution soit son propre article dans la liste, il aurait dû utiliser une virgule après ou avant le « ou ». Donc, que la distribution soit tout seul. On comprend? Donc, la loi a été écrite selon le guide d'écriture de l'État, le Style Guide qu'on appelle. Tous les journaux ont un guide stylistique, genre les journaux, les médias, qui dit que c'est correct de ne pas mettre la virgule avant un « et » ou encore un « ou », comme on a dit la Oxford comma tout à l'heure. C'est juste que c'est quelque chose que les gens, des fois, sont pas sûrs. Est-ce que je mets, est-ce que je le mets pas? Mais la Cour a décidé que si tu veux identifier un article tout seul dans une liste, tu devrais mettre une virgule. Parce que sinon, ça a juste l'air d'être « packing for shipment or distribution » en une seule affaire. T'sais. Voilà. Ensuite, on revient au budget, on revient à l'argent. On parle de la mentalité de s'acheter quelque chose parce que c'est une opportunité unique qui va arriver une seule fois dans ta vie. Mm-hmm. Donc, quand tu planifies ton mariage ou peu importe, on va souvent se dire « Ah, c'est pas grave de dépenser beaucoup parce que c'est une chose qui va m'arriver une seule fois dans ma vie. » C'est une bonne façon de dépenser beaucoup d'argent pour une occasion spéciale. Ça pourrait être pour plein d'autres occasions aussi. Vous l'avez sûrement déjà fait, tout le monde a fait ça, je pense. Mettre un gros montant d'argent sur quelque chose parce que ça arrivera jamais une autre fois. Ça peut être correct pour des petites dépenses, des dépenses moyennes, hein, quand même. Mais ça pourrait être aussi quelque chose qui pourrait vous nuire parce que vous allez avoir beaucoup de dettes après. Ouais, c'est vrai. Bien sûr. Donc, dépenser de l'argent sur une chose veut dire que tu vas devoir arrêter de dépenser sur autre chose. Donc, peut-être pas justifier, mais penser plus. Parce que des opportunités qui arrivent une seule fois dans une vie, t'en as plusieurs individuellement. Mettons un mariage, tu l'as juste une fois. Mettons, je sais Le tien, là, tu parles? Ouais, c'est ça. Mettons. Je sais pas, ça pourrait être n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a de vraiment gros qu'on pourrait dire? Quelque chose qui est unique en son genre. Je sais pas. Acheter une nouvelle voiture vraiment fancy. Peut-être que tu feras pas ça souvent, tu vas le faire une fois dans ta vie. Mais si tu mets ensemble toutes les choses que tu vas faire une fois dans ta vie, il y en a pas mal. Oui, c'est vrai, c'est sûr. Il y a beaucoup de premières fois. Voilà, beaucoup de premières fois. Et de seules fois. Un comportement à surveiller. Ensuite, tiens, tant qu'à regarder ton téléphone toute la journée, au moins tu devrais t'occuper de ton cou. Tu viens de faire un petit craquement de cou en temps réel. En même temps, ouais. Ce qui adonne vraiment drôle parce qu'on parle justement de ça. On a souvent mal au cou parce qu'on est souvent sur son téléphone. Okay. Moi, pendant mon mois et demi de congé, m'a dit que j'ai pas été souvent à l'ordinateur, j'étais souvent sur mon téléphone. Ouais, ça doit. Mon bras gauche. Et le cou, les douleurs sont pas mal. C'est vrai. Bref, t'en parles dans ta chronique tantôt des problèmes de cou. Donc, il y a une vidéo du docteur Joe. Qui est une thérapeute physique sous licence et tout, qui a tout son permis et son certificat, etc. Qui essaie de nous conseiller un petit peu sur comment prendre soin de son cou. Quand tu plies ton cou par en arrière, avec le temps, les muscles sur le devant de ton cou, tes épaules et ta poitrine vont se devenir très tendues et ça va tirer tes épaules vers l'avant, ce qui donne une très mauvaise posture. Donc, on te donne des exercices, Tania, à faire. Donc, pour commencer à rentrer ton menton par en dedans. OK. À la place de tirer ton menton vers l'avant, vers ta poitrine, tu vas essayer de te faire un double menton. Ben là. En reculant par en arrière. Ça, c'est un étirement qu'on va faire pendant quelques secondes pour se relaxer le cou. Ensuite, tu vas retirer, tu vas mettre tes épaules vraiment par en arrière pour étirer tes pectoraux par en avant. OK. Hein? Pas en même temps. OK, tu peux y faire en même temps, ouais? Si tu veux. Ah, je le fais pas en même temps. OK, c'est bon. Ensuite, il y a une autre variation du chin tuck, c'est-à-dire de reculer ton menton, c'est de te coucher sur le plancher. Je t'invite à te coucher sur le plancher. T'es sérieux? Non, vraiment pas. À placer une serviette roulée ou encore un chandail derrière ton cou pour te soutenir et tu vas pousser tes muscles du cou vers la serviette, vers le sol. Et t'as l'étirement du haut du dos, tu vas commencer à coucher sur l'estomac. ouais. avec ta poitrine soutenue par un oreiller. Et tu vas imaginer que tu lèves ta poitrine jusqu'à ce que tu ressentes que tes muscles s'étirent dans le haut de ton dos. OK. Voilà. Donc, pour ceux qui sont assis très longtemps à l'ordinateur, qui regardent leur téléphone très, très souvent, c'est des exercices que vous devriez faire. Sinon, selon Kate Galliott, je veux dire, elle nous a trouvé une meilleure façon de texter et de regarder son téléphone cellulaire. C'est de mettre ses coudes contre son corps pour pouvoir tenir son téléphone à la hauteur des yeux, ce qui l'empêche d'avancer son cou vers l'avant. Ah, pas fou. Donc, tu gardes ton cou aussi droit que possible et tu reposes tes bras sur ton corps. On dit que chaque pouce vers l'avant de ta tête place environ 10 livres de force sur ton cou. OK. Ouais, chaque pouce vers l'avant versus être complètement droit, là, chaque pouce vers l'avant te donne 10 livres de plus de force sur ton cou. Wow. Donc voilà, les idées de posture. Allez essayer ça. L'article est sur assemblagerequis.com. Ensuite, on reste dans les téléphones cellulaires et autres gadgets. On parle d'écouteurs. De porter des écouteurs quand tu fais l'épicerie pourrait rendre ça un petit peu plus plaisant. J'ai jamais fait ça. Je connais des gens qui le font. Mais quand t'as faim, t'arrives en épicerie, on sait déjà, tu sais, tu vas commencer à tout regarder, tu vas commencer à apprendre les démonstrations parce qu'il y a des gens qui t'offrent des petits craquelins avec du fromage dessus, peu importe. Mm-hmm. Ça arrive. Donc, on dit d'écouter des affaires sur tes écouteurs, que ce soit des podcasts, des livres audio, de la musique, peu importe. Ça va en fait t'aider à garder au loin les gens qui veulent te vendre des affaires. Okay. Donc, que ce soit les gens qui te demandent de l'argent quand tu rentres dans l'épicerie, ils vont pas te déranger parce que tu as des écouteurs. À la sortie, même chose, les démonstrations, tu n'auras pas à dire à personne « je suis pas intéressé » parce que tes écouteurs vont parler pour toi. OK. Hein? Et ça va aussi bloquer les distractions à l'épicerie. Donc, que ce soit... Et là, on sait, il y a des tactiques dans les épiceries pour te faire dépenser plus d'argent. Ben oui, clairement. Hein? Donc, que ce soit comment les choses sont placées dans l'épicerie, on a déjà parlé, ou encore la musique qui est supposée te faire relaxer, donc marcher plus lentement, donc voir plus de produits, donc acheter plus, on se comprend. Oui. Tes écouteurs, ben, sont une défense contre ces tactiques-là. Tu vas aller peut-être plus vite, tu vas passer à autre chose plus rapidement, tu vas moins dépenser, tu pourrais donc économiser de l'argent en ayant tes écouteurs, et aussi tu vas être évidemment, tu vas peut-être moins être dérangé par les gens qui sont dans le milieu de la rangée, tu vas juste, c'est pas grave, j'écoute ma musique, je m'en fous, tu sais. Ouais. Voilà. Évidemment, enlevez-les une fois rendu à la caisse, parce que ça, c'est insultant pour les caissiers. Ensuite de ça, tiens, la réanimation cardiaque. Oui. Tu sais, le pomper sur la poitrine de quelqu'un. Ouais. Sur quelle chanson est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu te rappelles, il y a un conseil? C'est, Oh, man, c'est Stay Alive. Non, on connaît tous la chanson Stay Alive, mais maintenant, l'hôpital New York Presbyterian Hospital a une playlist de 40 chansons qui peuvent remplacer Stay Alive. Pas vrai? Elles sont toutes CPR friendly, donc parfaites pour une réanimation cardiaque à 100 beats battements par minute. Donc, l'idée de choisir une chanson et de pouvoir la chanter dans la tête, c'est de pas avoir à trop réfléchir et compter le nombre de millisecondes ou peu importe. Un battement de 100 battements par minute est le minimum. Il y a des instructeurs de RCR qui ont recommandé Stay Alive. Il y a I Will Survive aussi comme une bonne chanson. Il y a sinon Another One Bites the Dust qui sont de très très bonnes chansons. Mais il y en a d'autres au Japon, par exemple Oladi Oblada. Oladi Oblada est très connu pour ça. Sinon, il y a Missy Elliott avec sa chanson Work It. Il y a Dancing Queen de ABBA. Ben oui, clairement. Il y a Man in the Mirror. Comment tu peux faire Dancing sur Dancing Queen? Je sais pas. Pas pire. OK. Il y a Man in the Mirror de Michael Jackson. Mm-hmm. Et si vous voulez vraiment, vraiment mettre de la musique de mauvais goût, non. Il y a Soul Sister de Train. Oh. Yark. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, non, c'est pas... Hey, Soul Sister. On dirait qu'il y a juste Stayin' Alive qui fonctionne dans ma tête. Ben, c'est un classique, là. C'est sûr ouais, que c'est... Ouais, c'est ça. Tu peux vraiment... C'est à moins que tu fasses vraiment souvent des RCR puis tu veux le varier, ta playlist. C'est vrai. Tu sais, t'es là, ton téléphone... Il y a juste un RCR playlist, c'est genre, ça. Dans son phone. Il scrolle, t'es un peu... je suis pas sûr. Exactement. Je mets-tu Train? Puis la personne a le temps de mourir. C'est ça? C'est ça. Ah, passez-y un peu, là. Allez-y avec le plus vite. La première, c'est de bord. Bon, Stayin' Alive, c'est pas dur. C'est vrai. Mais là, j'avoue que si, mettons, ton internet est moyen, tu sais, puis que ça stalle un petit peu, puis ça fait du buffering pendant la chanson, puis là, tu fais... Puis là, ça arrête. Tu fais quoi? Puis là, ça recommence, puis t'es comme plus dans le beat. Ça va faire des décès, ça va être incroyable. C'est... J'avoue que j'avais jamais pensé à ça. Tu sais, des fois, tu vas réserver dans un restaurant, fancy, pour un anniversaire, peu importe. Et là, il se passe quelque chose, et tu peux pas y aller. OK. Tu peux pas y aller. T'as d'autres choses, quelque chose. Il faut que t'ailles à quelque part. Il y a une urgence. Tu devrais probablement appeler le restaurant pour dire que tu annules ta réservation. Oui, ben oui, clairement. Ouais. Apparemment. En fait, si on compte et que chaque personne aurait dépensé peut-être 50$ et que deux personnes par soir ne se présentent pas, fois 365 jours par année, on parle de 30 000$ de perdu pour le restaurant. Demandez-vous pas après ça pourquoi les restaurants ferment tout à Trois-Rivières. Ça pourrait arriver. Peut-être que les gens n'ont pas décommandé leur réservation. C'est ça. Et le coût va au-delà de certaines de ça en plus, parce que des fois, ils peuvent booker des employés de plus pour avoir le nombre pour pouvoir servir le nombre de gens qui sont au restaurant. Donc là, il y a plein de conséquences à ça. Donc on dit que vous devriez annuler votre réservation. On dit que, en fait, que certains établissements vont noter les gens qui ne se présentent pas plusieurs fois et vont refuser le service aux personnes qui le font trop souvent. Ça arrive. Mm-hmm. Faites attention à ça. Vous pourriez être sur la liste noire des restaurants. Est-ce que ça t'arrive d'être paresseuse sur le nettoyage de ta cuisine? Le grand ménage du printemps de ta cuisine. Ben oui, clairement. Ça arrive des fois qu'on fait juste l'étude de comptoir, le poêle, puis c'est pas mal ça, il reste encore plein de saleté sur, je sais pas, le devant du frigidaire ou peu importe. Mm-hmm. Et les armoires sont sales, ça peut arriver. On est distrait des fois, la vie passe rapidement. Hein. Donc, on parle de la méthode SOSD. Pour essayer de trouver un équilibre entre la propreté et la rapidité. Donc, SOSD, ça représente différentes places dans votre cuisine sur lesquelles on devrait focusser pour les garder très propres très rapidement. Donc, on parle de surface, de fourneau, de balayer pour le plancher et la vaisselle. Donc, SOSD, surface, four, c'est en anglais, ça marche beaucoup plus qu'en français, les planchers et la vaisselle. Donc, on aime ça parce qu'on peut se rappeler des lettres, bien sûr, et c'est des choses qui sont faciles et simples à faire. Donc, les surfaces, ça prend quoi? 3 minutes, laver les comptoirs, à peu près. Le four, le dessus du four, le dedans du four, on se comprend qu'on fait pas ça souvent. Hein? Les planchers, c'est pas dur, tu gardes le balai dans ta cuisine de toute façon la plupart du temps. Et faire la vaisselle, rien qu'à la faire au fur et à mesure, c'est des choses à faire en premier. Et tu peux changer l'ordre, mais le reste, tu remets ça plus tard. Tu fais juste ça, SOSD. Ah ouais? Simple de même. Celui-là m'intrigue parce que je fais du lavage dans la buanderie du coin. OK. Et tu te demandes des fois quand est-ce que tu devrais ajouter de la monnaie pour ajouter du temps à ta sécheuse. La sécheuse que j'utilisais dans mon ancien bloc appartement qui était juste sur une minuterie normale, ouais. Tu mettais le montant puis ça faisait une minuterie de, je sais pas, c'était 40 minutes. À la buanderie, ça y va par 25 cents pour 4 minutes. Fait que je sais que je vais mettre 3 piastres puis que mon linge va être à peu près sec. Ouais. Donc des fois, tu te demandes quand est-ce que tu dois rajouter de l'argent. Il y a des sécheuses qui sont tout ou rien, où tu dois mettre un certain montant et ça va démarrer le cycle seulement si tu mets l'argent, versus d'autres où tu mets, comme je te disais, un certain montant comme 25 cents pour avoir 4-5 minutes, peu importe. Selon le site de Billfold, le secret est d'ajouter plus de 25 cents, passer le temps minimum requis pour démarrer un cycle. Donc si ça te coûte 1$ pour un cycle de séchage dans, dans ces sécheuses-là qui sont payantes juste une fois, donc si ça paye une fois pour un cycle, et que tu ajoutes 1,25, ça ajoute tout de suite le 5 minutes de plus. Donc, mettons que c'est 40 minutes, ça va te faire 45 minutes si tu mets 1,25. OK? Oui. C'est facile, tu peux le faire dès le départ. Moi, ce que je faisais avant dans mon ancien bloc où c'était seulement 1$ pour un cycle, je faisais 1$, je revenais une heure plus tard ou 50 minutes plus tard, et là, c'était pas sec, je remettais 1$. Tu sais, tu peux le faire dès le départ, ça se fait. Ça se fait. Mais je préfère le système de 25 cents pour 4 minutes. Comme ça, je peux vraiment timer exactement le temps que je veux parce que je connais mon linge. Ah, c'est ça. Mais donc, allez-y avec plus d'argent dès le départ. Et c'est là-dessus qu'on va arrêter pour aujourd'hui pour les instructions d'assemblage. Encore une fois, les liens sont toujours sur le site de l'émission assemblagerequis.com dans les notes de l'émission numéro 1096 dans ce cas-ci. C'est tout pour Assemblage Requis pour aujourd'hui. Caroline, ça passe vite, hein? Ça l'a passé deux très heures, vite. Ben oui. Quand t'es tout seul, ça passe moins vite un peu, je pense. Juste un petit peu. Un petit peu, mais c'est pas grave. je vais être là demain encore pour le reste de la session. Il reste encore deux semaines ensemble, donc on va en profiter le plus possible. Et après ça, ben, on passera à un format hebdomadaire comme on le fait tous les étés. On en reparlera pour la case horaire et la date de début de tout ça. Encore une fois, merci Tania. Merci à toi, Mathieu Plante. Merci d'être venu. Ça fait plaisir. Merci à Justine Renaud qui nous a fait sa collègue Justine Pertine. Demain à l'émission, on sera mercredi. On va avoir Sébastien Gartin pour son bulletin Gartin à 7h30. On confirme aussi que Xavier McLeish va être là à 8h30 pour une chronique quelconque. On va voir s'il amène Alfalfa le lutin. On va voir de quoi il va parler. Je pense que Alfalfa, il reste au Pôle Nord, là. Il prend sa retraite pour l'été? Ben, il commence à faire chaud pour venir ici, fait que le traîneau du Père Noël, c'est un peu plus difficile. J'avoue, mais je vais m'ennuyer de ces grelots. Ouais. Oui, oui! Bon! Restez sur nos ondes plus tard aujourd'hui. On a une programmation du tonnerre pour vous. On aura à 14h l'émission Les Palmarès C'est fou, donc on va vous présenter le top 40 des dernières semaines, parce qu'il n'y a pas une émission depuis le mois de mars, facilement. Donc Les Palmarès C'est fou à 14h. Ensuite, à 19h, ce sera Réanimation, l'émission de métal et d'horreur. C'est fou.ca pour la programmation complète. Assemblagehockey.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. On se retrouve sur Facebook. Oui. Twitter. Instagram. Splash Splash Face. Splash Face. Snoop Doggy Dog. Chatrun. Chatrun. Chatrun. On se quitte avec Home Shake et Every Single Thing à demain 6h30. Bye. Bye. Bon café. Ouh, et bon, bonne viennoiserie, t'sais. Oui, voilà. Faut que je me trouve une petite phrase pour la fin de l'émission. T'as bon café, moi. C'est vrai. Je sais pas, bon, bon smoothie, non. Bon smoothie. Bon bagel. Bon bagel. Maybe I'll stop by the girls' room on the home and get another. Hey, are you even paying attention to me right now?